Bonus. Trax. Bonjour, nouvel épisode de la JDR Academy. Ce soir, c'est un blind test. Je suis avec Artemis. Bonsoir. Avec Spider-Gro, Digro. Tout à fait, je suis là. Avec Red. Bonsoir. Et Jordi. Et bonsoir. Donc ce soir, nous faisons un blind test, c'est-à-dire que c'est un jeu que vous ne connaissez pas. Je vous ai donné juste un thème général et un système de jeu. Donc le système, ce sera Face ou Faces. Donc c'est un système de jeu générique et dedans, on peut faire des aventures d'espionnage. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Vous allez donc créer des agents secrets et tout va se passer ce soir à Budapest. Donc je vous préviens aussi, vous les joueurs, si jamais il y a des infos qui vous envoient à Tombouctou, à Los Angeles ou je ne sais où, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas la bonne piste. On n'y va pas. Fais appel à des contacts. Alors, si vous avez des coups de téléphone à l'étranger, c'est possible, mais toute l'action va se passer à Budapest. Également, une nouvelle règle que j'instaure dans le blind test, c'est qu'une fois par session, vous avez le droit de tenter de deviner le jeu. Ah. D'accord ? Ou l'univers de jeu dans lequel ça se passe. Je rappelle, Blind Test, ça peut être un jeu, un film, une série, n'importe quoi. D'accord. Tu rappelles, mais... Oui, parce qu'en fait... Tu fais bien de le rappeler. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas tous déjà joué des Blind Tests. Non. Moi, Blind Test, on écoute des chansons de deviner le titre. Voilà, c'est le même concept, c'est inventé par Jordi. Vous faites une partie de jeu de rôle et vous devez trouver le titre. Ok, cool. Mais d'accord, mais c'est pas que le titre du JDR. Ça peut être une série, ça peut être un film. Ça peut être... Un univers. Ok, d'accord. Bien. Je vous dis, c'est pas Budapest, le glorieux film avec Monsieur Poop, c'est pas ça. Déception, je quitte la salle. Et donc, récompense, s'il y en a un de vous qui le trouve, il a le droit de monter une stat de un cran. Voilà. Vous avez une tentative chacun. Eh bien, écoute, Artemis, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux nous présenter ton agent secret ? Je vais jouer Anton Samuel, qui est un agent spécial. C'est un ancien membre du service action de la DGSE qui a quitté le service actif en 2013 et qui s'est lancé en freelance dans les années 2015. Récemment, il a été contacté pour réaliser un job à Budapest. Il est toujours vêtu d'un magnifique costume en trois pièces et aborde une paire de lunettes. Très bien, merci. Qui est ton personnage, gros ? Jerry, 67 ans, bon, il fait un peu partie des meubles. Hein. Vous le connaissez tous et tous au moins entendu parler de lui, en bien ou en mal, c'est une sorte de légende, en tout cas dans le service, puisqu'il a près de 40 ans de service actif à son actif. Et malgré cette longévité record, les chefs ont eu peur qu'il soit plus capable d'assurer son taf et qu'à son âge, il mange un peu les pinceaux et qu'il soit plus capable de gérer ses différentes personnalités, puisque Jerry, sa spécialité est d'incarner d'autres personnages. Donc il a été mis à la retraite forcée, contre son gré. Donc depuis 3 ans, vu que il a beaucoup bourlingué avec son boulot, il a beaucoup de miles sur sa carte. Et donc, il fait des voyages. Il en profite, il fait des voyages avec sa femme Suzanne. Il la suit, mais clairement, il se fait chier et il aimerait y retourner. D'accord. Jordi, est-ce que tu peux nous présenter Perclo ? Ouais. Mike Stein, dit Perclo, est un ancien agent, qu'on dit violent mais efficace. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais actuellement il est à Budapest où il fait profil bas. Mike Stein est quelqu'un de très baraqué, qui porte toujours un costume cravate un peu cheap. Très mystérieux. Et enfin, Red, est-ce que vous me présentez ta hackeuse ? Robin Devlin est une jeune femme d'origine asiatique qui vit en Irlande. Elle a monté une entreprise de conseil en sécurité informatique, notamment pour les grandes entreprises, les particuliers fortunés. On l'a dit hackeuse, mais c'est de la spécialité, c'est de l'expertise. Si elle a fait des choses répréhensibles, personne ne sait vraiment, et ça ne devait pas être sous ce nom-là, en tout cas. Aujourd'hui, elle est à Budapest pour peut-être investir dans des nouveaux bureaux pour étendre un petit peu son entreprise en Europe de l'Est, et donc elle cherche peut-être un bureau, un espace de coworking quelque part pour s'installer à Budapest. Quelque chose de tout à fait légal, bien sûr. Bien sûr. Donc vous avez tous en commun, en tout cas, le fait d'être des anciens agents ou d'être aujourd'hui freelance, voire à la retraite. Ça peut avoir son importance puisque vous avez été contacté pour un nouveau job Budapest. Budapest, petite présentation de la ville tout de même. Budapest, en hongrois Budapest, est la plus grande ville et la capitale de la Hongrie. La ville actuelle a été créée en 1873 par la fusion de Buda et de Pest. Après la fusion en 1873 et l'accession de la ville au rang de seconde capitale de l'Autriche-Hongrie, Budapest atteint des proportions et des caractéristiques d'une ville mondiale. Marquée par l'histoire, on se souvient bien sûr de la révolution hongroise de 1848, la bataille de Budapest de 1945 et de l'insurrection de 1956, bien sûr, contre les communistes. Considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe, la perle du Danube, son panorama, le quartier du château de Buda, tout ça figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une destination touristique importante et elle attire plus de 4,3 millions de visiteurs par an. plus grande ville du pays, elle est le principal centre politique, culturel, commercial, industriel. Elle abrite le parlement hongrois, les bâtiments ministériels, les ambassades du pays, ainsi que les sièges sociaux des entreprises installées en Hongrie. Voilà, j'ai encore 10 pages. C'est directement sur le site de l'Office du Tourisme ou c'est... Plus d'informations, rendez-vous sur la page Wikipédia de Budapest. Vous êtes à l'entrée d'un lieu très connu à Budapest qui s'appelle le Simplakert. C'est un ancien bar qui a déjà plus de 40 ans, qui était fabriqué à partir de... qui est rapiécé en fait. Les gens ramènent des tables, des chaises, taguent les murs. Tout est décoré avec des matériaux recyclés. C'est très bruyant. C'est très blindé, évidemment. Sur votre gauche, vous avez des jeunes Français qui fêtent un enterrement de vie de garçon. Sur votre droite, des Anglais qui fêtent un enterrement de vie de garçon. Et sans doute des Hongrois au fin fond de ce bar qui fêtent un enterrement de vie de garçon. Vous avez rendez-vous avec Tibor Rudek. Tibor Rudek, vous le connaissez tous. Je vous l'affiche. Il est assez jeune, chauve, une belle barbe. Il vous a donné rendez-vous dans ce bar. Vous êtes plus ou moins tous les quatre ensemble. Est-ce qu'il y en a un de vous qui connaît bien Tibor? Par exemple, toi, Père Clos. Est-ce que Tibor, c'est un de tes amis ou tu le connais de loin? Je le connais de loin. D'accord. Ce n'est pas un ami. Je suis même un peu contrarié qu'il m'ait contacté. Ah ouais? Ouais, je viens ici un peu pour faire profil bas, donc ça m'embête un peu. Ok. Et toi, Robin, ça t'embête? Toi qui as l'habitude de vivre caché? Non, ça m'embête pas parce qu'il m'a promis qu'il avait des informations qui m'intéressaient en échange. Et bon, bah parfois, il faut savoir se salir les mains un petit peu. Toi, Jerry, est-ce que tu connais Tibor aussi? Je connais Tibor puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire une mission avec lui il y a quelques années. C'était une de ses premières. À Budapest déjà? C'était en Europe de l'Est, mais c'était pas à Budapest. Et donc je suis plutôt content de le voir, parce que encore une fois, c'est ma première mission active depuis 3 ans. Donc je suis impatient de voir ce qu'il a à me dire. J'ai été très content de trouver son invitation. Bah oui, toi tu as hâte de revenir sur le terrain. C'est ça. Et toi, Anton, est-ce que tu as un lien particulier avec Tibor? On s'était déjà croisés quand j'étais dans le service actif, et puis après, il m'a embauché une fois quand j'étais en freelance. Moi, j'aime bien Tibor parce qu'il a l'habitude de me payer des verres. Je suis sensible à des petites attentions comme ça. Eh bien, ça commence comme ça d'ailleurs. Il te fait « Anton, ravi de te voir ». Écoute, il est mort de rire en même temps. Il te verse direct un verre de palinka, c'est l'alcool très fort hongrois, dans des petits shots. Et il vous regarde tous les deux, trois, les autres, en vous servant aussi un petit shot. Justin. Asseyez-vous, mes amis. Vous voir tous les quatre ensemble, c'est un peu comme si je réunissais une famille. C'est quand même fou. Hein, Mike, ça fait longtemps que je t'ai pas vu d'ailleurs. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Tu m'as retrouvé facilement? J'ai entendu que t'étais à Budapest. Tu sais, à Budapest, je sais tout. Hein. Donc, dès que j'ai su que t'étais dans le coin, je me suis dit, ah, ça, j'ai un bon job pour Père Clos. J'espère juste que tu n'en as parlé à personne. Tu me connais, bien sûr que non. Il a un rire gras avec cette belle dent blanche. Je suis un petit peu rassuré. Je m'enfonce un peu mieux dans mon fauteuil et je prends mon verre. D'un geste de la main, il vous dit, allez, vous connaissez pas tous les quatre, vous avez jamais bossé ensemble? Dites-moi, est-ce que l'un de vous a avoir envie de bosser avec l'un des autres ou pas du tout? En général, j'arrive à me débrouiller tout seul, mais bon, j'imagine qu'ils ont des compétences que je n'ai pas. Je descends mon verre, je le pose sur le sol après l'avoir bu et je dis, mais regardez, on est en présence de la légende. Le Jerry. Et là, Jerry, qui est en train de boire son verre, le crash. C'est juste proprement dégueulasse ton truc là. Bah oui, c'est un petit peu fort. Bonne palinka. Comme on dit toujours, c'est la deuxième, la meilleure. C'est un fake. Il te sert un verre. J'y touche pas et je crache par terre. Ah non, non, j'en veux pas de ta mère. Merci pour la légende, mais j'ai pas eu l'occasion d'en retravailler encore avec ces jeunes hommes et femmes. Pardon. Merci. Mais allons-y, de quoi il retourne. Et Tibor, t'as bien servi un deuxième verre à Jerry, mais moi j'attends bien le mien. Hein. Bien, je te reconnais bien là, Anton. Tu peux avoir le mien, Anton, tiens. Toujours aussi ce soir. Je propose gentiment aussi ma dose au cas où. Fais gaffe, Anton, j'ai peut-être laissé un ongle dedans. Ah. Et toi, tu bois pas non plus, Robin. Parce que je connais pas. Je vais d'abord prendre le verre de la jeune femme. Vous n'avez pas de la Guinness? La quoi? Guinness? Non, ça n'existe pas ici. Ou dans les bars spécialisés, peut-être. Mais... Ah, dommage. Mais dis-moi, elle est toute jeune, cette palinka, elle devrait avoir que 4 ans. Je retrouve pas le petit goût que t'as d'habitude dans les tiennes. Tu ne serais pas en train de nous servir de la piquette, Tibor? Attends, tu me connais. Il claque des doigts, là, t'as 3 personnes qui étaient autour de vous, qui buvaient ou qui faisaient semblant de boire. Il y en a un des 3 qui se retourne et qui va chercher un verre. Une nouvelle bouteille. Merci. Bon, fini de discuter. J'ai une mission pour vous 4, si vous êtes prêts à l'accepter. À la clé, c'est 100 000 euros chacun. La moitié maintenant et le reste à la livraison. 100 000 Waouh, je pense qu'on est loin des standards, non? Ça commence à négocier? Bah, tu peux faire demi-tour, Père Clos, pas de problème. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est beaucoup? C'est le joueur qui parle, j'ai l'impression. Pardon. Bah, je suis là avec mes 500 euros, on propose 100 000, c'est vrai que ça fait quand même une belle. Je veux être sûr que vous participiez à la mission en même temps. Est-ce qu'une partie de cette somme pourrait être échangée contre des informations? On pourra en discuter après, une fois que la mission sera remplie, mais. Tout est possible, ma chère Robin, tout est possible. Très bien. Alors j'en suis. Jerry, pas trop mal au dos, c'est bon? Tu peux assurer? Non, mais tu rigoles ou quoi? Je pète la forme. Vas-y, dis-moi, donne-moi une direction, on y va. Ok, bon, il sort un MacBook Pro, évidemment. Il le retourne ouvert face à vous et vous montre plusieurs choses. La photo d'un homme, même de deux hommes. Je vous ai mis aussi un visuel de l'ordinateur, donc c'est un ordinateur portable. Ah, c'est pas bon, je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est un Dell MacBook Pro. C'est un transportable, plutôt. Et renforcé. Voilà, c'est exactement ça. En plus des photos qui ne sont pas affichées sur ce que je vous montre, il y a des photos de cet homme, donc le général, est en train de porter cette mallette flycase avec un ordinateur dedans. Ah d'accord. Il vous dit, mes supérieurs, qui eux-mêmes obéissent, j'imagine, à des ordres, ont besoin de quelque chose que détient cet homme. Plus précisément, son ordinateur portable, celui que vous voyez sur ces images. Le général de brigade Alexei Basilovitch, armée russe, est actuellement à Budapest et va quitter la capitale dans 6 jours. Il dirige ici une unité de planification logistique, des choses très compliquées, mais on le soupçonne d'avoir fait des recherches sur certains relevés d'achats ou transactions politiques qu'il vaut mieux ne pas trop inspecter de près, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Peu importe ce que c'est, il ne semble pas avoir rédigé de rapport aux dernières nouvelles, implique qu'il garde toutes les preuves sur lui, dans cet ordinateur. On a fouillé, enfin pas moi hein, bien sûr, on a fouillé discrètement son bureau à Naples, et on n'a retrouvé aucun document écrit ou qui mentionne cette épreuve, donc mes supérieurs pensent qu'il a tout sur lui. Peut-être une sauvegarde dans ses bureaux à Budapest. À vous de vérifier. C'est un colonel de l'armée russe qui a des bureaux à Naples. C'est Naples en Russie. C'est l'autre Naples. Peut-être en lien avec la mafia. Naplovski. Interrompez encore Tibor et il vous sert plus jamais de panique. Hein. Faites gaffe. Ça me dérange pas. On pourrait vivre avec, je pense. Mais ok. Donc soyons clairs. Se contenter de copier les informations de cet ordinateur, ça ne suffira pas. Vous devez récupérer cet ordinateur. Il ne doit à aucun prix le ramener en Russie dans 6 jours. Votre boulot consiste donc à mettre les données de cet ordinateur en sécurité et vous assurer qu'il n'y a aucune sauvegarde. Il suffit pas de les détruire, il faut ramener l'ordinateur. Il faut ramener l'ordinateur, tout à fait, puisque l'ordinateur, vous le remettrez à un autre fixeur de Budapest. Il vous jette sur la table une clé en forme de bouchon de bouteille de vin. Là-dedans, vous avez toutes les informations pour retrouver Dominique Botchian. C'est le nom de votre fixeur à qui vous remettrez l'ordinateur. Et la deuxième photo, du coup? La deuxième photo, c'est son lieutenant qui s'appelle Arpad Tot, qui le suit partout. Peut-être influençable, à vous de voir. On a très peu d'infos sur lui, pour l'instant. Ah d'accord. Okay. Sur la clé USB, vous avez donc le dossier sur le général Basilovitch. Des photos satellites du Parlement de Budapest où se trouve son bureau, un numéro de téléphone et un code d'identification pour communiquer avec Dominique et les coordonnées GPS du rendez-vous que Dominique vous donnera. Des vraies coordonnées GPS. Et on travaille pour qui? Je peux pas vous en parler. Mes supérieurs connaissent l'identité de leurs supérieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu pourrais avoir accès à du matériel par ici? Évidemment. Parce que je t'avoue que si on doit se friter contre des militaires, ça serait bien d'avoir quelques grenades et quelques petites choses en plus. Ça peut s'arranger. L'idée, c'est même pas non plus d'assassiner hein, le général. Ça ferait tâche. Ah, mais ce serait pas très grave. Ça peut créer un incident diplomatique. À vous de voir, peut-être que les supérieurs ne seront pas contents, mais ça peut vous retomber dessus. Idéalement, ce serait bien de pas le tuer. Après, un lieutenant, c'est moins grave qu'un général. Et il est généralement aussi entouré de 3 gardes du corps, donc pareil. J'imagine que Berclo, tu pourras t'amuser. Des questions? Je dois m'attendre à des sécurités particulières sur cet ordinateur. On sait par qui il a été fourni, par l'armée, c'est quelque chose de personnel. C'est sûrement un ordinateur de l'armée russe. D'accord. Il y a sûrement des protocoles de sécurité, je ne peux pas vous en dire plus. Très bien. Mais tu feras le boulot, Robin, c'est pas pour rien que je t'ai choisi. Bien sûr, mais tout ce que je peux savoir maintenant... J'espère que t'as fait tes armes sur d'autres matériels que ce qu'on a en Europe, parce que bon, ça fonctionne 1 fois sur 3 chez nous. Vous inquiétez pas, mes connaissances sont éclectiques et internationales. Belle façon de voir les choses. J'adore l'éclectisme. J'en ai fait beaucoup au lycée, moi. Donc c'est clair, une fois que vous avez l'ordinateur, vous contactez Dominique et vous lui remettez l'ordi. C'est simple, il vous donnera le reste de l'argent. Si vous avez un compte à me donner, je vous fais le transfert des 50 000 tout de suite. Bah, je sors mon téléphone, je pianote et je lui donne les coordonnées d'un compte que personne n'arrivera à tracer, si ce n'est moi. Tu vois qu'en moins de 30 secondes, t'as l'argent sur ce compte. J'appelle ma femme et je dis « Suzanne, c'est quoi le RIB du compte joint déjà ?» Elle m'envoie une photo par MMS. Tu rentres vite, Jerry, parce que moi je vais aller au bain après. Hein. T'inquiète, et je te ramène une bouteille de Panenka ou je sais pas quoi, un truc pour marquer des pénaltys là. Incroyable. Ok, bah, je t'attends, mon Jerry. Tibor, vous avez d'autres questions? Le matériel, si c'est de l'armement lourd, faudra me rappeler dans les prochains jours. Si c'est de l'armement simple, ça peut s'arranger tout de suite. Simple, t'entends quoi par simple? Somnifère Arme. Ah, c'est l'armement très simple, la pharmacie tu peux les trouver. Quoi. L'acide perchlorique c'est du simple ou c'est du lourd? Non, j'en ai pas sur moi là, de l'acide. Ouais, bah pas sur toi, je me note. J'imagine que t'as tes réserves perso. Et t'aurais pas un pistolet à fléchette? Pistolet à fléchette? Pour endormir, tu veux dire? Oui, bien sûr. T'as dit qu'on n'avait pas le droit de faire du létal, alors bon, les grenades, je veux bien attendre un petit peu, même si potentiellement ça peut nous aider, mais... Ça me démange. Ok, bah, on va dire que je vous donne une arme ou une protection chacun, à vous de choisir. Moi, un petit gilet pare-balles discret, ça ira très bien. Protection, c'est pas mal, ouais. Moi, j'aimerais savoir si t'as contact avec une troupe de théâtre à Budapest dans laquelle je pourrais discrètement piocher dans les costumes et... Eh bien, figure-toi que j'ai les clés et coulisses de l'opéra de Budapest. Donc là, t'as tous les costumes que tu veux. Ok. Danseuse étoile, attention. Ça me suffit. Attends, l'opéra est situé où? Est-ce qu'il est situé pas très loin du Parlement? Robin, en 2 secondes, peut afficher. Alors, en vrai, moi-même, pendant ce temps-là, sur mon téléphone, j'avais même été regarder où étaient les points de rendez-vous avec Dominique, etc., pour commencer à repérer les lieux. Ah, parfait. Je rigole, je viens de le faire en vrai, les coordonnées correspondent à rien du tout. Si, si, si. Si, sur les comptes, c'est marqué c'est Normafa. Un petit parc sur une colline, ouais. Normafa. La vue que t'as sur la ville, c'est magnifique. Ça me donne envie d'y aller. Exactement, il faut y aller. Ah, moi, par contre, c'est le joueur qui a regardé, mais le personnage, il a rien regardé du tout. Moi, faut partir du principe que si un jour vous me voyez sans mon smartphone, c'est sûrement un double qui n'est pas moi-même. Qu'est-ce que vous choisissez ? Ce sera une protection pour moi. Protection de quel genre ? Blouson de cuir, gilet pare-balles ? Armure de combat ? Ah ouais, ça je prends, ouais. Si t'as armure de combat, je prends. Armure de déminage ? Armure de combat, il me faut plusieurs jours pour l'avoir et c'est pas très discret. Par contre, je peux vous filer des gilets. Moi, quelque chose de discret qui peut se mettre sous un costume adapté. Bon, bah, file un gilet. Propose pas une armure de combat si tu sais pas proposer une armure de combat. Mais je propose tout mon catalogue, c'est juste que c'est pas tout de suite, tu vois, c'est des délais de livraison. Donc, toujours aussi sympa, Priclo. Tu aurais des vestes de costard renforcées ? Oui, on a des vestes de costard renforcées, bien sûr. Donc, les vestes de costard renforcées, c'est 2 points de protection. Les gilets pare-balles, c'est 3 points. Ils peuvent te protéger de toute tache de vin ou de gâteau sec, hein, mais après. Je prends la veste renforcée aussi. Ok, c'est 2 points. Est-ce que tu pourrais m'obtenir un coupe-ongle, s'il te plaît ? Coupe-ongle, ouais, tu vas au Roseboom, là, qui est juste à côté. Et... Non, mais je dis ça en enlevant un de mes dents et te l'envoyant au visage, tu vois. Hop. Je secoue la tête. Un coupe-ongle, j'ai plus tes codes, c'est l'ancien temps. Coupe-ongle, c'est quoi pour toi ? Ah, je vais me contenter des clés de l'opéra et puis d'un petit 9 mm silencieux, s'il te plaît. 9 mm, ça fait 1d6 de dégâts. Vous avez ce qu'il faut pour vous déplacer dans Budapest ? Moi, j'ai ma voiture. Tu veux bien prendre ceux qui n'ont pas de voiture avec toi ou vous déplacer tous en Maserati ? Moi, j'ai une moto avec un deuxième casque, si vous voulez. Moi, je suis venu en voyage organisé, donc j'attends le bus en fait pour me déplacer. Je suis pas sûr qu'il aille dans le bon sens, donc. Moi, la voiture, ça ira très bien et je monte derrière. Ok, donc Perclo, t'es en moto et Anton, tu seras le chauffeur de Jerry et Robin, du coup. Bah, je les mets à l'arrière comme si j'étais chauffeur Uber. Ok, c'est une belle couverture. Sauf que Uber est interdit en Hongrie, mais ça, tu sais pas forcément. Oui, après, vu la tête de la voiture, elle est un peu sportive, on va dire. Ah, c'est une voiture sportive, c'est quoi ? Une Subaru Impreza. D'accord, quelle couleur ? Jaune, jaune fluo. Ah non, bleu avec les jantes dorées, là, bien sûr. Si tu veux noter, je viens de découvrir des nouvelles règles, hein, c'est formidable. C'est une vitesse de D10. Quand on va être en cas de course-poursuite. Cas de course-poursuite, ils vont suivre la grosse bagnole bien flashy et ils vont me laisser tranquille. Ça, c'est parfait, ça. Sauf qu'elle est de la vie. Bon, bah, je pense qu'en moto. Tibor, il vous dit donc, si tout va bien, on se reverra pas. Eh bien, ravi de vous avoir revu, les gars. Je vous laisse la bouteille de Palinka. Merci. Merci bien, mais ça se passe bien, on peut quand même se revoir aussi. C'est toujours un plaisir de trinquer avec toi. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. N'hésite pas à me recontacter, alors, Anton, une fois que l'émission s'est résolue. Après, moi, je vais pas rester très, très longtemps à Budapest. J'ai un truc qui m'attend en Roumanie. Une deuxième femme ? Toujours aussi drôle, Anton. T'as pas le savoir. Tu sens qu'il peut devenir un peu méchant, des fois, malgré son apparence joviale. Et qui c'est qui nous paye ? C'est Batikani, du coup ? Dominique vous donnera le reste de l'argent, oui. La deuxième moitié. Ok. J'aime pas bien beaucoup ça. Il y a un dossier sur le général. Le général endossait une parfaite carrière normale d'un général russe, commandant d'escadron, officier de liaison, commandant de base. Il a une expertise logistique. Il s'occupe de l'acheminement des vols, d'approvisionnement de base vers le terrain et inversement. La seule anomalie dans son dossier, en fait, c'est son transfert à Budapest. Donc là, aujourd'hui, il est basé à Budapest. Il est basé à Budapest depuis 5 mois. Il part dans 6 jours. Il y a sûrement une bonne raison, mais ça n'est pas indiqué dans les dossiers. Et un dossier très clean, ça a l'air d'être un monsieur bien sous tout rapport. C'est un dossier un peu trop propre pour qu'il dise tout, quoi. Exactement. Après, vous avez d'autres moyens de chercher plus d'infos voilà. Sur lui, évidemment. Est-ce que moi, j'ai des contacts moins officiels que pour chercher un bureau de coworking ? Je dirais, en Europe de l'Est, il y a quand même pas mal de communautés de hackers. J'aimerais bien en trouver. Un cybercafé, tu veux dire ? Voilà. Oublie pas que j'ai 67 ans. Fais-moi un petit jet, premier jet de la soirée. Esprit plus agent. Et tu prends le meilleur résultat. Ça s'affiche. Et ils explosent les dés ou pas ? Alors oui, très bonne remarque. Donc tu as fait 7, parce que 7 sur tes 2 jets, t'as lancé 1 des 8 et 1 des 4. T'as fait 7 et 4, donc on prend ton meilleur jet qui est un 7. Donc c'est une réussite, parce que c'était difficulté 4. D'accord. Et si tu avais fait 8, t'aurais pu relancer effectivement le dé, c'est des dés explosifs. Et donc pour chaque cran de 4 points au-dessus de la difficulté, t'as une réussite supplémentaire. Et là par exemple, ça vaut pas le coup, je tente de relancer le dé 4, vu qu'il est à 4. Non, parce que tu gardes que le premier dé et il y a aussi un prix à payer. C'est-à-dire que si tu fais un 1 sur ta relance, c'est un échec total. Ah, donc 7, c'est très bien. Ah oui, d'accord, il vaut mieux pas tenter alors. Bah, ça dépend, avec un dé 8, ça se tente. Avec un dé 4, un peu moins. Oui, par exemple là, avec le dé 4. En tout cas, tu trouves des informations en plus. En plus, en Europe de l'Est, il y a encore des liens normalement avec... Ah oui, tu cherchais des contacts en fait, qui pouvaient te donner plus d'infos sur lui, c'est ça ? Au moins des infos sur des gens qui pourraient me renseigner, mais disons un début de piste pour aller creuser peut-être dans des dossiers un peu moins disponibles facilement, peut-être des choses un peu cachées de l'armée, ou alors en tout cas me donner accès peut-être juste à un point d'information que je pourrais pirater, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les infos eux-mêmes. Ouais, tu découvres grâce à des contacts un peu plus d'infos sur ce général. Mmh. Tu vois qu'il a failli être viré de l'armée pour exhibitionnisme. Ah, mon genre de mec. Moi aussi, dans mon jeune temps. Il a eu aussi un problème avec l'alcool que l'armée a tout fait pour cacher. Mais d'après ses dires, il s'en est sorti. Il ne boit plus d'alcool. Et c'est une bille en informatique. D'accord. La question, c'est qui le protège ? Parce que s'il a fait tout ça et qu'il ne s'est pas fait virer, c'est que quelqu'un le protège. Voilà, c'est exactement ce que tu te dis en trouvant ces infos. Et puis les responsables d'information sur un ordinateur, alors que c'est une bille en informatique. Son lieutenant doit peut-être servir à un peu plus que juste être un bras droit, c'est peut-être lui qui gère toute la partie technique. Là, vous faites tout ça, vous avez une plan, quelque chose ? Comment vous fonctionnez? Vous allez à l'hôtel de Jerry pour établir un plan? Je vais vous proposer ma chambre d'hôtel, mais il y a ma femme, donc faut y aller au moment où elle est au bord de la piscine. Il faut vite se faire repérer. Pas un bon plan. Ouais, j'avais prévu une chambre d'hôtel aussi, personnellement, plutôt dans le centre-ville, pas loin du quartier d'affaires s'il y en a un. Ok. Moi, je suis dans un Airbnb qui accepte les voitures. J'ai oublié de vous donner une autre info importante sur ce général, c'est-à-dire qu'il travaille au Parlement de Budapest dans lequel il a un bureau, donc qui est un lieu très important de l'État hongrois, bien sûr, donc forcément très protégé, et il dort dans l'hôtel intercontinental qui est au bord du Danube. Ça fait 5 mois qu'il est là et ça fait 5 mois qu'il est à l'hôtel. Ouais. Ça tombe bien, c'est l'hôtel dans lequel j'ai réservé avec ma femme. Ah oui? C'est possible ça? Bien sûr. Je te rappelle que j'ai des miles à dépenser. Si tu dépenses des points d'énergie pour créer un ajout narratif pour, on va dire, 2 points, c'est l'hôtel dans lequel tu es descendu. 2 points d'énergie sur 12, c'est beaucoup. Mais allez, on va faire ça. Sinon, ce sera un autre hôtel. Non, mais c'est celui-là. Dis-toi que c'est 2 points d'énergie sur 48. J'ai accès. Vous pouvez voir ça comme ça. Après, ça sera un peu méta, mais on aurait pu appeler pour réserver une chambre sinon. Non, trop tard. C'est mieux. J'ai déjà une chambre de réservée, pourquoi tu veux en réserver une autre? Tout à fait, autant pour moi. Ça tombe très bien, c'est le même hôtel, effectivement. Ils ont un super restaurant à cet endroit-là, non? Et oui. Il y a un super restaurant dans cet hôtel, j'ai même des petites images. C'est un hôtel de luxe au bord du Danube, avec évidemment restaurant et piscine intérieure. Ah, la fameuse piscine de la femme à Jerry. C'est ça, bas les pattes les gars. Bâtiment assez ancien, il y a des bâtiments bien plus beaux et rénovés. Là. Et on a l'impression que c'est construit dans les années 80, mais l'intérieur est assez moderne. Ok, très joli. De toute façon, on fait quoi là? On fonce au Parlement, on fouille son bureau? Pas besoin de faire des plans, tiens pas les cheveux là. Il est quelle heure là? 15h. Ouais, on va peut-être attendre qu'ils partent. Moi, j'avoue que j'aimerais bien appeler l'hôtel ou le Parlement pour savoir s'il y est avant de se jeter à un endroit où il pourrait pas nous attendre. Mais... Ouais, non, mais tout à fait, il faut attendre qu'ils sortent du Parlement. En tant qu'agent secret, je veux pas trop vous donner de pistes, mais c'est à vous de concevoir un plan pour récupérer cet ordinateur. À vous de voir comment vous y prenez. Est-ce que vous le mettez sous surveillance, il part pas tout de suite? Sachant qu'on a 6 jours. Est-ce que vous foncez dans le tas, comme le propose Perclos? À vous de voir. Les gars, moi je connais l'hôtel et j'ai déjà passé quelques nuits, du coup, ça fait une semaine que je suis là avec ma femme, donc je connais un peu les lieux. Je peux le repérer, essayer de voir si la valise il l'a tout le temps avec lui et s'il l'a avec lui aussi à l'hôtel. Le suivre pour savoir dans quelle chambre il va. Tu sais, le plus simple, ça serait même que je vienne à l'hôtel, tu me laisses accéder à ta chambre, je m'installe dans un placard, je me connecte au wifi de l'hôtel, je vais en avoir des informations. Attends, imagine la femme de Jerry te surprendre dans le placard de sa chambre. C'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Ce serait incroyable. J'ai une réputation à tenir. Non mais ta femme, on peut pas lui payer un parcours touristique de 5 jours en bateau, j'en sais rien. Fin. Jerry, ta femme, elle connaissait ton travail avant? Non, non, non, pour elle, je suis... J'ai jamais dit que t'étais agent secret. Non, non, je suis vendeur en imprimante. D'accord, c'est ce que je voulais entendre. C'est ah bah, elle peut pas savoir, on a niqué de l'espionne russe quand même. Hein. Ah, la légende, quoi. Jerry, la légende. Et ouais. Ça a tellement bien marché pour moi que maintenant, on voyage à l'œil tout le temps, elle se doute de rien. Elle s'est jamais posé de questions pour les 3 petites assistantes que t'avais, la brune, la rousse et la blonde. Tu sais, chez Xerox. Oui, c'est ça, c'est une imprimante de 3 couleurs, c'est pour ça que j'avais... Quoi qu'il en soit, ça serait quand même bien qu'on s'échange nos numéros de téléphone. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je peux le prendre en filature, déjà dressé en état, pour voir s'il a un service qui s'est renforcé, ou si au contraire, il y a des personnes qui s'absentent à certains moments, si jamais on doit l'approcher, pour voir quand est-ce qu'il peut être le plus vulnérable. On peut mettre une team là-dessus, effectivement, au Parlement, pendant qu'on est 2 à rester dans l'hôtel. Peut-être Robin pour essayer de pirater effectivement le réseau de l'hôtel pour avoir des infos, et moi qui essaie de m'infiltrer, ou dans sa chambre, ou ses abords, pour avoir le plus d'informations possible. Et sur là où il habite, et ce qu'il a dans son coffre et tout ça, et vous, sur ce qu'il fait dans la journée, et où est-ce qu'il va, et à quel moment il rentre. Moi, j'aimerais bien le suivre entre le Parlement et l'hôtel, savoir un peu quelles sont ses routines, et aussi peut-être juger de l'efficacité de ses gardes du corps. Perclos et Anton au Parlement dans ce cas-là? Ouais. Robin, ça te va aussi? Ouais, ouais. Moi, si je suis pas connecté à un ordinateur, de toute façon, je me sens pas très bien. Mais t'as ton smartphone. Là. Ouais, mais là, j'ai besoin d'un câble Ethernet, quoi. Ok. T'en auras pas avec le Wi-Fi. Hein. C'est vrai. Intérieurement, je suis en train de croiser les doigts pour que le général s'arrête dans les Borozo, les fameuses caves à vin hongroises. Ah oui, sachant que c'est un ancien alcoolique. Ah, c'est peut-être possible. C'est... Il y va, par contre, c'est pas un ancien alcoolique, je pense. C'est ça. Pour se rappeler des souvenirs. Vous allez peut-être apprendre des informations. Eh bien, dans ce jeu, en fait, il y a un système de réussite longue durée. J'ai oublié le terme exact, mais en gros, il y a un score de 3 réussites à faire. Donc, je vais vous demander 3 jets de dés qui va représenter l'ensemble de votre mission de repérage. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Essayer d'en savoir plus sur son trajet, sur ses connexions, sur le réseau de wifi de l'hôtel. On va demander donc d'abord un jet. Pour ceux qui s'occupent de la filature, on va dire, comment vous y prenez? Et puis je vais vous demander un jet en fonction. Racontez-moi. Moi, j'aurais été plutôt de le faire de manière discrète, c'est-à-dire à déjà repérer tout ce qui est système de surveillance pour se mettre dans tout ce qui est angle mort et essayer d'avoir l'intégralité du système de surveillance du Parlement. Tu peux y aller, c'est un lieu qui se visite. Ok. Après, là, on vous est enfin imprévenis, donc les visites sont bientôt terminées, mais tu pourras avoir des infos, mais tu n'auras forcément pas toutes les infos des systèmes de sécurité. C'est pas grave, je peux réserver une visite pour le lendemain. Oui. C'est une bonne idée, mais c'est surtout après d'attendre à l'extérieur, de voir quand est-ce que le gars s'en va, et potentiellement prendre un taxi au passage pour suivre aussi, prendre des transports. D'accord. Moi, je vais le suivre en moto. D'accord. Je vais essayer de le repérer. Le premier jour, de juste le suivre tranquillement, sans me faire repérer, sans faire d'action d'éclat ou quoi que ce soit. Par contre, dans l'idée d'éventuellement faire quelque chose, une routine, un endroit qui me permettrait, le lendemain, le surlendemain, de déclencher quelque chose, une espèce de fausse... attaque. C'est ça, un peu à la Ronin, je sais pas si vous voyez. Ouais, truc discret. Ils font des faux coups de feu, hein, je sais pas comment ils font ça, pour voir un peu comment réagissent les mecs. Mais voilà, la fausse alerte pour déclencher une réaction serait vite, du coup... vite stopper les gardes du corps, mais pour voir un peu comment ils réagissent. Et toi, Perclo, tu vas faire un jet de sens plus agent. Donc Anton, tu fais 4. Oh, et Perclo, il est incroyable. Un double 6, mon dieu. Double 6, donc t'as le droit en plus de relancer. Donc c'est réussi de justesse pour toi, Anton, tu fais 4. Je relance à la main. 2, c'est un 8, c'est donc un succès, un double success. Double success. Je suis arrivé juste avant la fermeture, en fait. Ok. On verra les résultats de ces lancers après. Vous, à l'hôtel, Robin et Jerry, qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi. Alors moi déjà je vais voir ma femme pour lui dire que moi je me sens pas très bien, j'ai bu un alcool bizarre ce midi et que du coup je vais aller m'allonger et que je lui ai réservé un hammam spa traitement la totale pour toute l'après-midi. Pendant 5 jours. Ah non, c'est trop bien Jerry. Merci Jerry. Je t'en prie, rien n'est trop beau pour toi ma chérie. Les meilleurs massages de vulve de tout Budapest. Hein. À ce qu'on m'a dit. Et donc ce qui nous donne accès donc, à ma chambre à peu près tranquillement et avec un accès internet. Okay. Et je me dis que si Robin pouvait me déverrouiller l'accès au couloir du personnel, je pourrais peut-être piquer un déguisement d'homme d'étage pour réussir à... ou tenter en tout cas de m'infiltrer dans la chambre. Ouais. Vu que c'est leur travail, on dit pas de déguisement, on dit uniforme, hein, parce qu'ils se déguisent pas. C'est leur boulot, quoi. Moi, dans le mien, je prends tout comme un jeu, donc c'est vrai que tout est en déguisement. Et toi, Robin? Alors, moi, il y a plusieurs choses. C'est que le but, ça serait déjà de pénétrer vraiment le système de l'hôtel. Le minimum, ça serait d'avoir des informations sur qui a réservé les chambres, qui a payé. Est-ce que, par hasard, il y aurait d'autres chambres qui ont été payées par les mêmes personnes, par exemple pour le lieutenant, pour voir s'il est au même hôtel. S'il y aurait des gardes du corps qui ont des chambres aussi et lesquelles c'est. Dans un deuxième temps, ça serait éventuellement aussi bah, justement de réussir à comprendre un peu le système de badge. Je ne sais pas s'ils utilisent des cartes. Des cartes, tu l'as vu en entrant à la chambre de Jerry. Donc si j'arrive à comprendre les choses, est-ce que, moyennant quelques investissements d'un petit peu de matériel, je pourrais peut-être reproduire et nous faire des passes qui passent partout? Des multipasses. Voilà. Et le top du top, ça serait d'accéder aux vidéos de surveillance, mais là, peut-être que j'en demande trop. Ça dépendra du nombre de succès sur ton lancer. Eh bien, donc Robin, toi, ça va être un jet de esprit plus tech. Oui. Et toi, Jerry, ce serait un jet de caractère plus mondain, pour essayer de te faire passer peut-être pour un employé de l'hôtel et avoir des yeux un peu partout. Très bien. Tu commences, Robin ? Ouais. Ouh. Oh, bah, c'est bien parti pour tes succès. Je vais lancer le D10, on sait jamais. Hein. Ah oui, t'as 10 en tech. Ouais. Tu peux relancer ton D8 si tu souhaites, ça fait 11. 3 sur un D10, c'est super. Ah non, c'était 11. Pas. Tu t'es trompé de D ? Non, c'était pas moi, c'était Jerry. Ah oui, j'ai excusez-moi. Ça fait 12. 12, donc t'es à 2 succès de plus que le truc de base, parce qu'évidemment, se connecter à l'hôtel, c'est facile. Jerry, toi, tu découvres qu'effectivement, le lieutenant a une chambre aussi à l'hôtel, ainsi que les 3 gardes du corps. Ils ont tous des chambres individuelles. 5 chambres, là, ok. Ils ont 5 chambres, ouais. Toi, Robin, tu découvres que tout est payé par le gouvernement russe. Ok. Par l'armée russe, plus exactement. Et ça, depuis 5 mois, sans faute. Ça fait que 2 succès de plus, donc t'auras pas les caméras de surveillance, mais t'auras accès à la machine à passe, grâce à Jerry, notamment, qui est un peu charmé la fille à l'accueil, et qui fabrique des passes. Donc, on peut dire que vous avez des passes illimitées, des multipasses. Ok, cool. Est-ce que j'ai un truc à relancer, moi, du fait que j'ai fait un 6 en mondain? J'ai pas bien compris le principe du dé. Ah oui, t'avais un dé explosif. Ouais, si tu veux, ouais. Et je relance le même, ouais. Le mondain, ouais. Donc, pardon. Qui part pas, si? Vous l'avez vu, non? Ah, quand tu non. Cliques sur relancer, ça marche pas. Oui, il faut faire... Allez. Allez, d'accord. Oula. Encore un 6. Allez. Donc, ah, finalement, je pense que c'est peut-être pas la peine. Hein. Ça, peut-être trouver un 15 direct la caméra de sécurité, si non? Tu fais un, tu perds tout. Du coup, parce que Jerry, il était plus sur le social, tu vois. Ah. Je mets mes 50 000 sur le numéro 8 à la roulette et hop, je relance. Vas-y. Ah, et voilà. On t'a dit de pas relancer, c'est pas possible. 6, 6, 1. Comme j'avais précisé tout à l'heure, si tu fais un 1, si tu perds tout. T'as eu quand même l'info, sauf que peut-être que la charmante fille de l'accueil va peut-être parler de toi à ses supérieurs. Ok. Mais on l'a jamais vu, ce vieux, en fait, qui sert des cocktails. Et les autres, donc vous avez suivi à partir du Parlement Vasilovitch. Je vous donne son emploi du temps, tout simplement. On va considérer que vous savez tout de sa vie. À 6h du matin, Vasilovitch se lève, fait un peu d'exercice à la salle de sport de l'hôtel et se douche. 7h, une voiture de fonction de Vasilovitch vient le conduire au Parlement. Là, c'est une voiture de fonction, pour préciser, qui est dans l'hôtel, qui est conduite par ses gardes du corps. Vasilovitch arrive à son bureau au Parlement à 7h15. À 11h, il se fait apporter son déjeuner dans son bureau. Il y est seul, dans un bureau à côté. Il y a son lieutenant qui travaille. Et il y a l'occasion, il y a des déjeuners et des briefings avec d'autres fonctionnaires. À 17h, il quitte son bureau et il remonte dans sa voiture de fonction. À 17h30, il s'arrête au bain Roudage, donc c'est des bains typiques hongrois. À 19h, il va au restaurant de l'hôtel ou au restaurant du Barry, qui se trouve près du pont de chaîne, donc qui est non loin de l'hôtel à pied, qui donne aussi sur le Danube. Et à 20h30, il regagne sa chambre. À 23h, extinction des lumières. Donc j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'il est tout le temps accompagné de ses gardes du corps? Et est-ce qu'il a toujours sa valise? Il a toujours sa valise, attachée avec une menotte à son poignet quand il va à son bureau, quand il repart de son bureau. Y compris au restaurant, tout ça, ou au bain? Y compris au restaurant et au bain. Okay. Sauf que les gardes du corps ne le suivent pas au bain, et quand il est au restaurant, ils l'attendent devant le restaurant. Et quand il va faire du sport, d'accord, il a la valise à 6h du matin. Bah, il la confie sûrement à ses gardes du corps, qui sont jamais très loin. Oui, si quand il se met nu, effectivement, peut-être qu'il confie la valise à un garde du corps. On peut dire ça. Ok. Et tu douche pas dans la valise. Est-ce qu'on avait des photos des gardes du corps dans le dossier? Oui, oui, des photos, c'est des gardes du corps lambda. Grosse tête rasée. Exactement. Est-ce qu'il y en a un qui serait à peu près de ma corpulence? Non, ils sont vraiment baraqués. De ta corpulence, c'est Jerry qui parle là? C'est Jerry qui parle, oui. Tu veux te faire passer par un garde du corps, ton âge, Jerry, enfin voyons. Je peux tout jouer, petit bonhomme, ne me prends pas mais de effectivement, l'eau. Niveau carrure, c'est pas ça. Jouer, mais tu gagneras pas, quoi. Je suis en train de réfléchir à un truc. Le restaurant, on a une chance sur deux, à chaque fois. Le bain, on est sûr qu'il y va, ou alors on tente le parlement. Bah, sa chambre, sinon. Une chance sur deux? Pourquoi tu parles d'une chance sur deux? Il a sa chambre aussi, effectivement. Parce qu'il va soit à l'hôtel, soit dans ce restaurant. Moi, les gars, j'aurais tenté la salle de sport. À 6h du matin, il n'y a personne dans la salle de sport de l'hôtel, il va être tout seul. Il y a trois gardes à l'extérieur, un lieutenant, il n'a pas la manette au bras. On a des passes pour avoir accès à tout dans l'hôtel, et il est tout seul dans sa chambre, a priori. L'avantage du restaurant, c'est que les mecs sont à l'extérieur, l'avantage des bains, c'est que les mecs sont à l'extérieur aussi. Mais oui. À l'hôtel, on sait où sont les chambres des... Elles sont juste à côté de sa chambre, et ils se relayent la nuit pour monter la garde. Ok, d'accord. Par deux. Donc effectivement, ça complique un peu. Moi, j'aime bien les bains, moi. Le système des balcons, des chambres, etc. Est-ce que, imaginons, on pourrait passer par l'extérieur pour quelqu'un qui serait compétent, pas moi? Oui, il y a un balcon qui donne sur le Danube. Est-ce que j'ai réussi, à l'intérieur de l'hôtel, à avoir accès à l'occupation des chambres? Ouais, t'as fait un bon jet, ouais, d'accord. Parce que si on a un multipass, on pourrait potentiellement rentrer dans une chambre vide, quoi. Ah, il n'y a pas de chambre vide à cette période de l'année. D'accord, bah, ça complique un peu. Un hôtel réputé. Non, ça vous dit pas de le tenter à 6h du matin? C'est une option, c'est une option. Après, faut qu'on regarde toutes les options. C'est trop à 6h du matin. C'est pas ça, c'est pas la question, c'est qu'il a ses gardes du corps. À 6h du matin, j'ai pas encore été me coucher, moi, en moyenne. Tu veux faire quoi? Tu veux les charmer, les gardes du corps? Les gardes du corps, oui, je peux papoter avec eux, tenter une diversion. Ouais, et puis si ça marche pas, ça sera ta dernière mission, effectivement. Il part dans 6 jours, ce qui veut dire qu'on peut se garder 2 jours. Ah oui, alors on va considérer que ça vous a pris toute une journée, hein. Il y a plus que 5 jours. T'es même gentil, ben, j'aurais même cru 2 ou 3 jours, même. Si vous aviez fait des échecs, en fait, vous auriez perdu plus de jours. Ouais, c'est vrai, on a pris vous avez tout réussi. Donc là, il est quoi? Il est 17h30, il est au bain, non? Ouais, exactement. Ok. Ça fait 24h. On est le lendemain soir, quoi. Ouais. On est le lendemain soir, le lendemain fin de l'après-midi. Et est-ce qu'on peut profiter du temps qui nous reste pour aller jeter un coup d'œil à sa chambre pendant qu'il n'y a personne? Parce que c'est l'avantage, c'est... on sait où il est. Et on peut aller jeter un coup d'œil, on peut peut-être fouiller, on en apprendra peut-être plus, notamment s'il a une maîtresse ou des choses comme ça. Ça déjà on peut le faire, c'est pas super dangereux. Oui. Est-ce que Robin, t'as du matos? Tu peux planter un micro ou une caméra? J'en ai pas sur moi, mais... Ah si. Moi je suis plutôt informatique que matériel à la base. Si tu fais un bon jet de dés sur... Ah bah si, je les ai dans mon manteau, ça tombe bien. Ah, tu peux les faire livrer par Tibor. Ouais, voilà, c'est ça, j'allais dire, en agent ou mondain, je peux peut-être voir avec un contact. Père Tibor est encore plus fort. Tout à fait. Pour des connexions plutôt type hacker, ça serait mondain, genre tech. C'est vrai que c'est compliqué ce système là. Les gardes du corps, ils dorment à quel moment? Ils dorment à peu près tour de rôle la nuit. D'accord. Fais un jet d'esprit toujours avec mondain, voilà. Voir si t'as des contacts, c'est pas mal. 5 et 2, donc t'as fait 5, donc t'as un succès. T'as le droit, ils ont un système de surveillance si tu veux. Soit un micro, soit une caméra. Sans le son. Ouais, ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le micro, en fait, c'est presque plus intéressant. Oui, on s'en fout de savoir où il est dans la pièce, ce qu'il dit va être plus intéressant sans doute. Je pense qu'on va prendre un système de micro, et puis on va aller installer ça. On parle tous russe, bien entendu. Vous parlez pas russe? Moi, je parle russe, bien entendu. Mais toi, t'es face, on peut conseiller que tu parles russe, les autres, c'est pas sûr. Da. Dans tout cas. Qui c'est qui se charge de poser le micro dans la chambre de notre ami Vasilevitch et fouiller? Vous y allez seul, à deux? Je peux déplacer le micro, je peux y aller, mais je pense que ça serait mieux qu'on y aille à deux, ne serait-ce que pour... Moi, je verrais bien Jerry à l'accueil de l'hôtel pour nous avertir si... Un jet d'agilité plus agent. S'il y a quelqu'un qui monte. Et après, Robin et Anton dans la chambre et moi dans les couloirs extérieurs. Bah, où est-ce qu'il y va pas plutôt en room service en cachant Robin dans le chariot? Bah, c'est-à-dire qu'en cas de problème, s'il faut pipoter quelque chose, peut-être que Jerry est plus efficace, quoi. Pour faire quoi, pardon? Pour pipoter quelqu'un qui dirait, bah, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Non, non, mais oui, je suis pas fermé. Dans ce cas-là, ça veut dire Anton à l'accueil. Du coup, je cache Robin avec moi dans le chariot et je le fais rentrer comme ça, quoi. Mm-hmm. Et lui, il plante le truc, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Anton, à l'accueil, qu'est-ce que tu fais? Je fais le gay. Ah, tu fais le gay? Non, je m'installe au bar. Le bar, il doit avoir une entrée sur l'accueil. Ah, parfait. Très bien. Ah, c'est ça, ça me permettra de goûter l'une des liqueurs hongroises, l'Unicum. L'Unicum, tout à fait. Qui est très amer, apparemment. Oui, et qui était servi par les infirmiers hongrois pour soigner, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une sorte de croix dessus. L'équivalent de notre chartreuse. On peut dire ça, c'est moins bon. Mais alors du coup, Jerry, fais-moi un agilité plus agent. Voilà, super. C'est un échec. Super. La légende. Oui, la légende est rouillée. Jamais rencontré les légendes. En train de pousser ton chariot, tu t'apprêtes à entrer dans la chambre de Basilevitch quand il y a un des gardes du corps qui est là, dans le couloir, qui te dit, dans un anglais avec un très mauvais accent, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de rentrer dans cette chambre. Room service, on m'a demandé de venir amener ça dans la chambre de... Il s'approche de toi, il est impressionnant. Il fait bien 2 mètres, 100 kilos de muscles. Il te dit, il y a personne dans cette chambre. Ah, ok, ça doit être une erreur. Bah voilà, faut tenter de le baratiner là, mon petit. Est-ce que je mets pas un petit coup de pied à Robin sous la table, genre pour qu'il glisse un micro dans la poche du mec, donc si on rentre pas dans la chambre, au moins que le micro soit quelque part, quoi. Bah il peut tenter, mais ce sera plus dur de glisser un micro sur le mec. Fort de ma tendance au courage naturel, je vais pas le faire. Tu es lâche, c'est vrai. D'accord. Donc je te mets des coups de pied. Je te mets une série de coups de pied, mais t'en as rien à foutre. Très bien. Voilà, je préfère me prendre des coups de pied par toi que par lui. Jerry fait un jet de caractère plus agent pour essayer de baratiner. C'est bord d'ailleurs. Oh, le 8. C'était un peu plus dur que 4, hein. C'était 5, parce qu'il était un peu suspect, il me dit. Ouais, bah à mon avis, tu t'es trompé, donc c'est quoi que tu veux mettre dans room service? C'est la bouffe? Bah ouais, donc j'ai la cloche. Tu t'entends son estomac qui crie famine. J'ai la cloche sous le plateau, donc je soulève et je lui montre un... C'est quoi? Un goulash? Un superbe plat typique de Hongrie, bon, j'ignore le nom, mais... Il fait... Bah ok. Je suis désolé, mais si c'est pas la bonne chambre, bah, va falloir que je ramène ça en cuisine. Il te fait un signe de tête, il te dit d'ouvrir la chambre, la porte s'ouvre, tu pousses le chariot à l'intérieur, il te suit. Il dit, c'est moi qui vais manger le goulash, d'accord, mais tu dis rien. Et là, il se met à manger sur le lit la soupe. Pour le coup, moi, dès qu'il y a une occasion, j'essaye de juste tendre un bras, de mettre un micro sous une table. Sous... Oh là là là. Je vais faire diversion, je m'approche du gars, donc il mange sur le lit avec une serviette dans la main. Je dis, ah, attention, monsieur, vous en mettez partout. Là, je lui renverse un peu le bol, enfin, je fais en sorte qu'il y ait un peu de remue-ménage autour du lit pour qu'il soit accaparé par moi. Ouais, bon, disons que ça va baisser la difficulté du jet de Robin. Robin, ce sera agilité plus tech pour poser ton micro. Aïe. Ça fait 5. 5, c'est un succès, petit succès. Peut-être que le micro sera trouvé dans quelques jours, on ne sait pas. Mais tu arrives à poser ton micro et tu le mets où exactement? T'as une idée précise ou... Bah moi je me dis souvent il y a un bureau, quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre la salle de bain et la chambre. Je le mets là comme ça. Le but c'est d'avoir globalement les conversations de chaque côté. Ok, bah on considère que le micro est posé. Jerry, tu quittes la pièce en laissant le garde du corps à son goulash. Monsieur, avec mes remerciements, enfin j'ai fait un petit et je tends ma main. Il te tape dedans, comme un high five, mais en bas. Un low five. Je m'en vais un peu déçu et sans manquer de lâcher un petit pop avant de sortir de la chambre. C'est vrai que toi aussi t'es sale. Ok, micro posé. J'ai plus de renure d'ongle à lui lancer, donc je lui lance un P. Anton, au bar, pendant ce temps-là, ton attention est détournée par Cataline qui vient de faire son entrée dans le bar. Robe de soirée, alors qu'il est 17h30. Aïe, aïe, aïe. Elle s'assoit à côté de toi. Elle demande un martini rouge. J'essaie de me souvenir de qui était donc cette personne. Ah, mais tu ne la connais pas. Sauf si tu dépenses des points d'énergie pour faire un agent narratif. Allez, vas-y. Bah, vu la meuf, ça vaut le coup de dépenser de l'énergie dessus. Connaître déjà Cataline, c'est au moins 4 points d'énergie. Hein. Je te le dis. Oh. On va dépenser les 4 points d'énergie. Ouais, pour 5, tu la connais intimement. Ah oui, carrément. Ouais, pour 4, bon, pour 4 on peut dire que tu la connais intimement. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est okay. Ta sœur. Ah merde. Elle te dit, Anton, je savais pas que t'étais à Budapest. De passage. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici, Cataline? Bah, tu me connais, de passage, moi aussi. Ouais, j'arrive là à me remémorer la dernière fois qu'on s'était vu, c'était... À Sarajevo. Ah, t'es sûr? Je croyais que c'était en Corse. Ah oui, je confonds les nuits, excuse-moi. Bah, dans tous les cas, c'était explosif. Oui. Ah oui, oui, c'est curieux de te voir à Budapest, t'es pas en vacances quand même. Toi, t'es jamais en vacances. Je veux te dire, tu sais que on est dans la même branche. Écoute, là, je suis venu passer ma période de décembre ici. J'avais besoin de me revigorer, et tu sais très bien que la Hongrie est très connue pour ses alcools peu chers. Revigorant. Tout à fait. Je suis même là pour l'alcool. Là, toi aussi, t'essayes d'agrandir ta cave? On peut dire ça, mais disons que t'as une chambre dans cet hôtel. C'est pas agrandir la cave. Enfin, ça dépend. C'est une proposition? Ça pourrait. Moi, je viens à peine d'arriver. J'ai 2-3 affaires, mais on peut se retrouver plus tard. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. Ce soir, on dîne ici? Allez. Est-il? Quelle heure? 21h? Pense à Jerry. C'est 19h plutôt, hein, le dîner, si tu veux être à côté du général. Plutôt 19h, là, vois-tu? L'alcool m'ouvre l'appétit. Oui, c'est vrai, toujours ton problème d'alcool. 19h, ça m'arrange pas trop, je pourrais pas me changer, mais bon, tant pis. Tu es ravissant tel que tu es, elle a pas besoin de te changer. Pour ce qui va se passer après... Un coquin, elle passe son doigt sur ta joue, et elle s'éloigne, sans avoir bu son martini, évidemment. C'est pas grave, je la récupère, mais... Ça, c'est pas perdu pour tout le monde. Tu récupères le martini? Tu le bois? Je vais sentir d'abord le martini. Moi, j'ai de sens plus agent. Ça sent le martini. Un petit 5. 5, c'est bon. Elle a mis du somnifère dans le verre. Ah, la connasse. Elle connaît ta réputation, je crois. En même temps, qui la connaît pas? C'est le problème de bien connaître les gens, c'est qu'ils te connaissent bien aussi. Et là, tu te dis, gâcher un bon alcool comme ça, ce serait dommage, donc du coup, tu le bois quand même. La suite va commencer à devenir très intéressante. Mystérieuse jeune femme, vous vous réunissez, que faites-vous? Ça dépend de l'heure, en fait. C'est vrai que t'as ton dîner. Ouais, tout ça, on a dit que ça se passait vers 17h30, donc ça n'a pas pris très longtemps. Il est 18h. Bah, moi, je vérifie déjà la connexion avec le micro. Oui. Moi, ma femme va commencer à remonter du spa. Peut-être aller dîner avec elle, moi, au resto de l'hôtel. Anton, il sera aussi si Catani ne fait pas un lapin. Et peut-être que Perclo et Robin peuvent aller bouffer à l'autre restaurant. Moi, entre-temps, j'irai bien au bain quand même pour juste voir ce que foutent les gardes du corps. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'ils tournent? Est-ce qu'ils sont les trois ensemble? Comment ils surveillent les bains? Parce que moi, j'ai le sentiment que les bains, c'est notre meilleure option pour l'instant. Tu observes les bains, tu vois qu'ils attendent soit dans la voiture, soit autour de la voiture, ils fument des clopes devant les bains. Mais ils n'entrent pas là. Et ils n'ont pas la valise. Ils n'ont pas la valise. Je prends connaissance des infos sur mon téléphone portable et j'accepte éventuellement d'aller bouffer au Dubarry s'il le faut. Et donc vous faites des teams restaurants, si j'ai bien compris. Ça. Bah, moi je fais une team avec ma femme, surtout j'ai pas le choix. Ah oui, donc toi tu es au resto de l'hôtel avec ta femme. S'il y a deux restaurants, je vais tout simplement faire un GA2 D2, soit Vasilevitch est dans le restaurant de l'hôtel, soit dans l'autre. Mais du coup, dites-moi, j'ai pas entendu qui va dans quel restaurant. Alors Robin et Perclo vont au Dubarry et Jerry et Anton au Continental, si j'ai bien compris. Ouais, séparément et chacun en couple pour Jerry et Anton. Ouais, c'est ça. Perclo et Robin, on y va couple, pas forcément marié ou quoi que ce soit, platonique. Je suis un peu le galant, mais sans rouler des galoches ni rien. Rendez-vous Tinder. Sachant que le Dubarry et l'Intercontinental sont juste à côté l'un de l'autre. Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'il y va à pied quand il y va au Dubarry. Moi, pour l'instant, je suis au bar avec ma femme. J'essaie de le faire poireauter l'apéro en attendant de guetter l'arrivée du général pour essayer de trouver une table à côté de lui. Si je le vois arriver, je traîne au bar. Si je fais père, c'est au Dubarry. Si je fais un père, c'est à l'hôtel. C'est au restaurant Dubarry. Bordel de merde. C'est pour nous. Robin et Perclo. Vous voyez à 19h rentrer le général. Toujours bien sapé dans sa tenue militaire, il a la mallette de poignet et les trois gardes du corps. Vous l'observez dîner? Qu'est-ce que vous faites? Oui, on dîne à deux, on va l'observer. Robin, est-ce que tu penses que ça peut être le moment d'essayer de déclencher une fausse alerte pour voir un petit peu comment réagissent les gardes du corps? Alors avant ça, moi j'aimerais bien voir si par Wi-Fi, Bluetooth ou autre, j'arrive à peut-être repérer son smartphone. Et si j'y arrive pas, peut-être que effectivement une fausse alerte, ça pourrait être l'occasion après de repérer des choses. Fais-moi un jet de esprit plus tech. Tu peux voir son téléphone, y accéder, c'est autre chose. Tout à fait. Oula. Un en esprit et un en tech. Oh, c'est l'échec. Et bah voilà. Tu faisais cette recherche avec quoi? Bah mon smartphone. Il y avait un brouilleur à l'hôtel. Ah, ton smartphone est décédé là. C'est vraiment de la saloperie. Hein. Encore une copie russe. En plus, t'as fait un double 1, donc ça t'énerve. Ça attire un peu l'attention des gardes du corps. Ils nous ont avertis à l'oreillette que le général est... Oui, oui, oui. Je vais prétexter auprès de ma femme une envie soudaine d'aller vomir. Je suis très sale. Je lui dis comme ça. Ça fait partie de ses défauts qu'elle adore. Elle a pas recommencé à boire. Les... J'ai bouffé un truc dégueulasse cet après-midi là. Et j'ai une envie de chier. Oui, bah je sais, Jerry, vas-y. T'as le choix, chérie. On est jusqu'à l'entrée. Je suis désolé, mais là, c'est soit je te repeins le restaurant, soit je te laisse en profiter toute seule. Donc bah, écoute, bonne soirée, ma chérie. Je vais aller me vider loin de la chambre, hein, si tu veux bien. Les gens en prennent un coup quand même. La légende. Vous m'avez tiré le caractère sale aussi. Je suis légendairement sale. Quoi. Donc tu veux les rejoindre dans l'autre restaurant, si j'ai bien compris. Je voudrais les rejoindre dans l'autre restaurant et peut-être essayer de passer par derrière, puis une tenue de serveur. C'est vraiment sale. Par derrière, ouais. Pour m'approcher de la table du général, peut-être faire le service et glaner des infos. Le service, c'est lui qui va te reconnaître. Qu'est-ce que. J'arrondis mes fans, moi. Ah non, c'est un spécialiste du déguisement. J'ai des masques. Bien sûr, bien sûr. Il va peut-être mettre une moustache. Les grosses pétatoires, la Groucho Marx, là, avec le nez et les moustaches accrochées. Fais-moi un jet d'esprit plus lointain, alors. Robin, je sais pas si c'est le moment pour en parler, mais je sais que t'as perdu ton téléphone, c'est une triste perte. Mais je crois que j'ai oublié mon portefeuille, si tu pouvais m'avancer pour le restaurant, ce serait assez cool. Ah, la pince. Oui, j'ai vraiment une équipe du tonnerre pour cette mission, c'est vraiment génial. Ah, c'est vrai, t'as pris quoi comme défaut, toi, Robin? Moi, je suis lâche, ça se voit pas forcément au premier rapport. Si, t'as refusé de mettre un bouchard dans la poche. Jerry, t'as raté ton lancer de dés. Hein. Attends, tu peux claquer des points pour relancer, hein. Ah oui, tu peux claquer des points pour relancer, c'est vrai. Je devrais te le dire. Des quoi, d'énergie? Relance, c'est 30 points. Sinon, le garde du corps, tu reconnais. J'aurais pas dû donner des idées au MJ. 3 points pour relancer un dé? Peut-être ça que j'aurais dû faire, moi, en fait, au lieu de perdre mon... C'est vrai que toi, oui. J'ai oublié cette règle, j'aurais dû vous le rappeler. Mais... Ça marche aussi pour les critiques? Parce que des fois, c'est vrai que double 1... Il n'y a pas de critique dans le jeu, c'est tellement rare, le double 1. Pensons là, Anton, tu vas à ton rencard. J'attends que mon rencard arrive. Il y a un poil derrière l'hôtel, lui. Ton rencard ne vient pas. Il nous a parlé d'elle ou pas du tout? Vous m'avez pas laissé le temps. Ok. On sait quand même qu'il dîne à l'hôtel, donc... Ouais, mais comme il n'y a plus Jerry... Ton rencard ne vient pas. Et soudain, dans le restaurant du Barry, il y a un des gardes du corps qui regarde sa montre, qui bip bip. Il y a une sorte de mouvement de panique chez eux. Il lève le général de son siège alors qu'il n'a pas fini son repas et il ressort du restaurant, précipitamment. J'étudie attentivement leur procédure d'extraction. Tu vois qu'ils sont très bien entraînés. Il n'y a pas de danger apparent sur le général, mais ils ont reçu une info comme quoi il se passe quelque chose et du coup, il y a une sorte de rapatriement du général. Est-ce qu'on les suivrait pas un petit peu de loin pour pas qu'ils nous repèrent? Ils vont vers l'hôtel. Par quoi? C'est quoi l'objectif? Ça aurait été de savoir qu'est-ce qu'il est fait réagir. Je pense qu'il faut surtout prévenir Anton que les mecs vont arriver. Par contre, étudier son arrivée à l'hôtel, ça me paraît intéressant. Et Anton, ils arrivent, c'est de les suivre, quoi. Je pense pas que c'est le moment de se faire repérer, et comme ils sont aux aguets... Non, mais garde un œil, quoi. Non, mais c'était au cas où ils iraient pas vers l'hôtel, mais bon, s'ils vont vers l'hôtel, effectivement... Je suis sûrement en bar, donc je pourrais monter dans les étages peut-être assez facilement. Question bête, on l'a vu, il avait la mallette à sa main. Oui. Il l'avait même à table, et là, quand ils l'ont levé, il l'a pris, il est parti. Oui. D'accord. Je sors par l'entrée de service, du coup, je suis dans la rue, je les vois partir. Oui. Vous commencez à revenir vers l'hôtel. Ok, toi, Anton, tu fais quoi? Je finis mon verre. Oui, bien sûr. Et je reste attentif. Je les vois entrer dans le hall de l'hôtel, limite en courant. Je finis mon verre et... Il y en a un qui appuie de façon excitée sur l'ascenseur. Je me rapproche de l'ascenseur, je vais regarder comment ils réagissent. Il y en a un qui te repousse, gentiment. Désolé, c'est complet. Ok, je sais à quel étage ils demeurent, ouais. On peut dire qu'ils observaient le bouton sur lequel ils ont appuyé, ils vont à l'étage de leur chambre. Je vais montrer 4 à 4 et je vais rester au niveau de la porte, si j'y arrive. L'idée, c'est de me mettre derrière la porte des escaliers pour entendre les mouvements et à peu près repérer pour voir où ils vont, s'ils vont tous dans la même chambre ou pas. On pas trop de risques, hein, parce qu'on a le micro dans la chambre. Hein. Là, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer dans la chambre, hein, et on a le micro déjà, donc moi, je te dirais de pas trop prendre de risques. Ok. Il rentre l'arme au poing dans la chambre. Arme au poing, carrément. Ouais. Robin, tu entends dans les micros. Ouais. Depuis tout à l'heure que tu as déclenché l'écoute, tu entends des bruits de fouilles dans la chambre, des insultes en hongrois. Je note ce que je peux, si je parle pas hongrois parfaitement, j'essaye de le noter. Ou c'est enregistré. On se fasse traduire plus tard. Ouais. Ah oui, c'est en russe plutôt, ça me surprenait d'ailleurs. Je peux dépenser quelques points d'énergie pour dire que je parle russe. Ouais, j'ai dit qu'il parlait hongrois, donc faut que tu parles hongrois. Ah, d'accord, donc c'est bien hongrois qui parle. T'as une voix féminine qui parle hongrois, et ensuite t'entends la porte se ouvrir en disant des trucs en russe. Halt, halt. Cataline. Ok, donc je vais d'abord parler le hongrois, ça sera pratique. Ok, tu dépenses 2 points, ça coûtera que 2 points, une petite langue. Tu entends donc des insultes qui sont putain, putain de sa mère, où est-ce qu'il a rangé? Je trouve pas ce truc. C'est la meuf qui dit ça? Ouais. J'entends la voix aussi de là où je suis. T'entends les hommes braquer, dire halt, halt. T'entends des bruits de lutte, tu t'approches. Adieu Catalina, c'était sympa. T'entends un bruit de verre brisé. En russe, vous entendez la salope, elle se barre. Si on a une com radio, je vous balance. Checkez en bas qui c'est. Prenez une photo. Robin, il peut plus, il a plus de téléphone. Ouais. Pas de bol. Toi, t'étais dehors, toi? Moi, j'ai un téléphone, hein, ça. Ah, il marche plus. Bah, le mien, si. Tu vois une femme en robe de soirée qui sort par la fenêtre de l'hôtel en volant, avec une sorte de jetpack. Ah bon. Ah. Dans une pipe. J'aurais été un deltaplane, j'aurais dit que c'était Carmen Sandiego. Non. Voler avec un jetpack, effectivement. Elle aurait été rouge, avec un chapeau pour Carmen Sandiego. C'est vrai. Je remonte sur ma moto, j'essaie de la suivre. C'est un jet de sens plus agent. Écoute, c'est un 4. C'est pas suffisant. Elle perd ta trace et un jetpack, c'est une agent secret. Ça marche. Mais moi, je vais l'appeler. Avec son numéro, elle décroche pas. Non, jetpack, elle a un peu les mains prises. Je lui laisse un message. Et... Bon, je t'attends toujours pour dîner. Hein. Okay. Tu viens pas? Qu'est-ce qu'on va te ghoster de toute façon. Anton, tu vois que les gardes du corps et le général sont un peu perturbés dans la chambre. La porte de leur chambre est ouverte. Il y a même le lieutenant qui sort de la sienne. C'est vrai qu'il y a le lieutenant, on l'a oublié celui-là. Enfin, moi, je l'avais oublié en tout cas. Il était pas au restaurant et il sort de sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il parle en russe. T'as dépensé tes points de russe, Robin, ou pas? Ouais, je vais le prendre aussi. Deux chacun, du coup? Ouais. Deux par langue. Ils sont en train de se rejeter la faute aux uns et aux autres, que la chambre n'était pas assez surveillée, qu'il va falloir changer d'hôtel, et que cette petite salope ne paie rien pour attendre. Il donne pas de nom d'hôtel? Non, il dit juste qu'on va devoir changer d'hôtel. Ok. T'as un micro bien investi. Tu peux surcharger toutes les réservations d'hôtel? Surcharger, ça me paraît compliqué parce que ça va se voir. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre peut-être des espèces de logiciels espions qui vont nous prévenir dès que certains mots-clés apparaissent. Le hic, c'est que si ils réservent un autre hôtel, on va devoir retaper tout ce qu'on a fait là, sachant qu'ils seront 2 fois plus sur leur garde. Par contre, je peux peut-être réserver pour nous des chambres dans tous les hôtels de ce même standing autour du Parlement. Ah mais sinon on fonce, hein. On se fait les 3 gardes du corps, on pique le truc et on y va. Vous pouvez y aller et moi du coup ce que je peux faire c'est écouter par le micro et vous prévenir si j'entends quelque chose d'important. L'opportunité qu'on a c'est qu'ils cherchent cette meuf. Si on leur fait croire que la meuf elle est en bas, qu'elle a été chopée par le service de sécurité de l'hôtel ou je sais pas quoi. Oh putain. Il y a au moins une partie des gardes qui va se précipiter et il ne restera plus personne à la choper. On déguise Robin. En Cataline? Oui. Mais elle était pas asiatique Cataline. Après, tu peux faire des masques. Mais Jerry, il est capable de te faire un truc de ouf. Après, je parle hongrois, du coup, maintenant. Je peux faire un masque, mais est-ce que cette couarde de Robin est capable de jouer le jeu? Sinon... Oui, puisqu'il va devoir fuir devant les gardes. Donc, c'est parfait. Beaucoup plus efficace. Sinon, on peut faire le même plan, sauf que maintenant qu'on a des multipasses, moi, j'essaye plutôt d'aller côté sécurité et autres. Vous me trouvez un uniforme de la sécurité. Et par contre, ce que je peux leur dire, c'est qu'on a les vidéos, qu'il faudrait qu'ils viennent voir, etc. Et ça en détourne quelques-uns à la sécurité, quoi. Et même leur dire que la meuf, elle a été chopée. Je pense qu'il y a au moins un ou deux gardes du corps qui vont se barrer. Mais bon, un uniforme de la sécurité nous aiderait à faire passer ce message un petit peu plus efficacement, je pense. Et le seul gars qui n'a pas été repéré, c'est Perclo. Ouais, mais alors par contre, pour aller leur parler, c'est mort, les gars. Puis s'il y a quelques gars à mettre hors d'état de nuire après coup, je pense que vaut mieux avoir Perclo sur place, quoi. Ah oui, non, moi, il faut que j'aille à l'attaque. Je pense qu'il faudrait que Jerry et moi, on aille trouver des uniformes de la sécurité. Jerry, tu réussis tes jets cette fois-ci pour... mais ok, je suis chaud. On chope des uniformes. Mm-hmm. On monte pour les attirer. Le mieux, moi, je pense, c'est un ou deux, sûrement toi, monte et leur dit, écoutez, on a chopé quelqu'un qui a sauté par la fenêtre. De votre fenêtre? Oui, de votre fenêtre. Mais du coup, on les fait venir vers une salle. Ouais, bah on les fait descendre à la sécurité, quoi. Faut qu'on ait le contrôle de la salle avant. De toute façon, nous, on a besoin de 3 minutes. Enfin, maîtrise générale, on chope la valise et on se casse, quoi. C'est bien ça, notre mission, les gars. Bah ouais, moi, j'aimerais bien juste qu'on se retrouve pas fermé avec des gardes de mauvaise humeur, mais donc, on les fait rentrer dans une salle en leur disant qu'elle est retenue dans cette pièce. Et au moment où ils rentrent, on ferme derrière eux, je bidouille le truc à badge pour pas qu'ils puissent ressortir, et voilà, quoi. Histoire de diminuer les défenses à l'étage. Voilà. C'est juste ça, ok. Le lieutenant, il est pas dans l'hôtel, on est d'accord. Mais si, justement. Il a une chambre dans l'hôtel. Il vient de sortir, là. Le lieutenant est sorti, il a rejoint dans la chambre qui a été fouillée par Kathleen. Ils sont 5, ouais. Il y a les 3 gardes du corps, le lieutenant et le général. Porte ouverte. Ça vient juste de se passer. Je vais récupérer mon équipement et je commence à monter les escaliers. Dépêchez-vous, les gars, parce que moi, quand j'arrive en haut, ça va commencer à tirer. Bah... Est-ce que Tribord a fait une livraison quelque part pour quelques points d'énergie? Tribord, pour 3 points d'énergie, il a livré ce que tu veux. Un tank? Un tank, non. Un deltaplane, si ça tourne mal. Des cordes de piano, c'est bien. Grenade fumigène avec lunettes thermiques. C'est le masque. Ouais. On peut faire croire qu'il y a un départ d'incendie et ça peut couvrir une fuite. Donc d'abord attirer les gardes. Nous déjà, on chope des uniformes. Normalement, avec les passes qu'on a, on trouve n'importe quel vestiaire. Je considère que vous avez les uniformes. Je monte. Ouais, tu montes. Moi, je prépare une pièce au rez-de-chaussée. Vous ici. Non, mais j'ai une tête différente. Oui. Fais-moi un jet de caractère mondain alors, mon petit Thierry. Vaut mieux le réussir. T'as le droit de dépenser des points avant. Avant? Putain. Pour 2 points, t'as un plus 1. Et pour 3 points, tu relances. Ah oui. Non, mais c'est bon, ton mondain va super bien se passer. Avec 4. Donc ça passe. Ça passe. Tu montes dans la chambre, précipitamment. Tu dis quoi au garde du corps? J'essaie de m'adresser à celui qui a l'air gradé. Général, ouais. Une perruque afro. Et je lui dis, on vient de choper un oiseau. La voleuse? Une meuf qui s'est défenestrée par votre fenêtre, on l'a cueillie en bas là. Ah bah tu vois ce que je disais sur les Hongrois, ils sont bien. On l'a interpellé là, si vous voulez venir lui parler. Il dit en russe quelque chose à 2 gardes du corps. Que je comprends parce que je parle russe, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, t'es un vieux de la vieille. Il dit, ramenez-la moi. Il y a 2 gardes du corps qui partent avec toi pour aller la chercher. Suivez-moi, monsieur. Est-ce que je peux tenter un jet qui me permettrait d'en avoir un troisième avec moi ou d'attirer le lieutenant? Non, sauf si quelqu'un d'autre t'aide d'une façon ou d'une autre, mais il n'y en a que 2 qui descendent. Tu montais tout seul, Perclos, il m'attend en bas. Perclos, il montait les escaliers aux dernières nouvelles. Non, Anton m'attend en bas, pardon. C'est Robin. Je t'attends en bas dans une pièce que je vais bidouiller pour qu'il puisse plus en sortir après. Ah, c'est toi, mais vu que vous avez tous des voix de mecs, du coup je confonds, je sais pas qui est qui. Moi. Ok. Ok, faut que tu me fasses un jet de esprit plus tech pour bloquer la porte et enfermer les gardes à l'intérieur. Robin. Je fais ça tout de suite. Et avec brio. Bon bah 6. Ok, 6, ça veut dire qu'ils sont enfermés mais que la porte va pas tenir toute la nuit. C'est des mecs gros costauds, ils vont la défendre. C'est pas le but aussi. Alors du coup, il y en a combien qui sont descendus? 2. 2. Anton et Perclos, que faites-vous? Anton, t'es capable d'au moins discuter pour qu'on puisse s'approcher d'eux ou... Ils se battent, hein, normalement. J'ai pas de doute, je parle de s'approcher, c'est-à-dire de pas commencer à tirer direct dès qu'on les voit, mais de au moins pouvoir s'approcher à portée courte, quoi. Pour essayer au moins de se débarrasser d'un ou deux mecs, c'est bon. Ils sont tous dans la chambre, on a juste à balancer une fumigène, on s'équipe les lunettes et puis on défonce. Ouais. Tant que je suis côté sécurité, j'essaye de noper les caméras, éviter qu'on laisse des preuves. Mais c'est en backup. Ok. Ce sera un jet de tech, mais je sais pas de quoi te faire lancer avec tech à chaque fois par esprit, c'est chiant. J'avais vu que les deux qui pouvaient m'être utiles c'était sens et esprit, mais... Non, on va changer, tu fais un jet de sens plus tech, pour essayer de choper les caméras de sécurité et effacer toute trace de votre passage. Ouais, sens, c'est vraiment très bien. 7 et 1, c'est réussi. Donc il y aura pas de preuves, vous inquiétez pas là-dessus. Je pense qu'on va s'approcher de la porte et qu'on va faire room service. Oui, dégagez, c'est pas le moment là. Enfin si, faut nettoyer les bouts de verre et tout ça là. Mais justement, c'est pour ça qu'on est là. Je vais changer d'hôtel aussi, vous pouvez le dire à votre supérieur. Il est ouvert ou il parle à travers la porte là quand il dit ça? Non, la porte est ouverte. Alors c'est qui? C'est le général qui répond au room service. Et bah je défonce la porte et je lui mets le couteau sous la gorge. Et je rentre avec le pistolet à la main au même moment et puis je vise le mec qui me semble le plus menaçant entre le lieutenant et le garde du corps. Vous êtes plutôt en mode intimidation là du coup. Le couteau sous la gorge c'est pour qu'il dise à ses hommes de baisser leurs armes éventuelles. Ouais. Faites-moi tous les deux un jet de caractère plus militaire. Caractère, ouf. Oh, est-ce que je relance un? Alors, c'est des mecs entraînés, il faut plus que 4 hein, pour réussir. Bah, j'ai fait 5. Et toi, tu veux relancer, Anton, ou pas? Ouais, je pense que je vais relancer. Mais non, mais ça s'additionne après. Ouais. Voilà. 8, c'est parfait. Tu peux tout perdre, c'est une relance. On va s'arrêter là. Oui, c'est pas clair, oui. 12, 16, 20, à 0. Écoutez, bah, tous les deux, décrivez-moi comment vous entrez de force et comment vous y prenez. Anton sur le salon, moi je percute la porte qui repousse certainement le général un petit peu en arrière. Je me colle derrière lui, couteau avec la main gauche sur la gorge, pistolet au poing, prêt à faire feu néanmoins si les hommes n'ont pas compris la menace. Et mon cher Anton pénètre immédiatement derrière moi, je te laisse dire. Avec le score, tu peux en neutraliser un direct. Si le garde du corps était proche, je rentre avec la crosse du gun, je l'assomme et je vise le lieutenant. Il est pas sonné, mais il est sonné. Ok, il est sonné, c'est-à-dire il est... Bah, agir pas au prochain tour, mais celui d'après. Un peu groggy. Je pointe le lieutenant en gardant le garde du corps en visuel et je lui dis, tu prends ton arme, tu me l'envoies immédiatement, sinon la prochaine bastos, elle est pour toi. Ok, le lieutenant n'a pas l'air de trop vouloir résister, il te lance son arme. Le général, il a le couteau sous la gorge, et... qu'est-ce que vous me voulez? Bah, tu ouvres la menotte. Non, je peux pas. Ouvre la menotte. Je peux pas vous laisser ça. Bah, c'est ça où je coupe la main. Ah, tu peux peut-être tirer sur la chaîne, non? C'est ça où je tire une balle dans la tête à la main. Avant que le garde du corps se réveille, je tente de le réassommer. Tu le tabasses au sol, quoi. Ah ouais, je le tabasse au sol, ouais. Et moi, je compte 10, 9, 8, 7, 6. Ok, ok, 5, prenez la mallette. Vous êtes qui? 4. C'est hyper important ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez pas. 3. Oui, oui, ok, il verrouille sa mallette. Prends la mallette. On a quelque chose pour l'attacher, ce garnement? Vous avez sûrement des trucs en plastique, j'ai oublié le nom là. Non, tiens, j'ai des somnifères, je leur fais bouffer un somnifère à tous les deux. Ok, il te dit, mais vous êtes qui? Vous bossez avec cette meuf là? Avec cette pute? Oui, oui, elle a fait une belle diversion. Ok. Sachez, messieurs, que vous êtes des hommes morts. Il dit ça juste avant de s'endormir avec le somnifère. Heureusement, il a dit, messieurs, je me sens pas concerné. Mais t'étais en bas, toi. Mais j'écoute par le micro. Oui, c'est vrai, effectivement. Je mets un gros coup de pied dans les couilles et je me casse. Vous avez la mallette, que faites-vous? Vous partez en courant? Je prends le temps de buter le garde du corps quand même. Ah oui? Tu le tues comment? Je l'égorge. Mais propre, hein, c'est, je le tourne vers le sol, j'égorge, pas de sang sur moi. Mets le couteau dans la main du général. Pour avoir des preuves compromettantes au cas où? Oui. C'est une idée. Et enlève le micro en partant. C'est une idée, mais j'aime bien garder mon couteau, donc non. Justement, tu le gardes, mais avec ses empreintes. Non, on en aurait parlé avant, je t'aurais dit oui, mais là je vais pas abandonner mon couteau. Allez, on se casse. Ouais, et puis fait que je prends le gun du garde, je tire une balle dans la tête, dans le corps, et puis je fous ça sous la main du général de manière propre, et je me casse. Ça finit ça là, alors que vous aviez plein de plans, mais bon, pourquoi pas. Ouais, moi j'étais pas parti sur un truc qui allait déraper comme ça, mais... C'est dérape, c'est super clean. C'est l'équipe, ouais, c'est comme ça. Ouais, on fait ce qu'on a, hein. Allez, on se casse. Vous quittez l'hôtel? Toi aussi, Jerry, en laissant ta femme? Au moins pour la fin de la mission, de toute façon, là, il est quelle heure? Le resto, c'était 19h, on va dire qu'il est 21h. Elle est encore à table. Alors, vous allez peut-être m'imaginer paranoïaque, mais si je suis encore vivante à ce moment-là, c'est pas pour rien. Est-ce que, quand même, on vérifierait pas ce qu'il y a sur l'ordinateur? Au moins, jeter un coup d'œil sur ce qu'on va donner, être sûr que ça se retourne pas contre nous lorsqu'on va aller l'amener au milieu de nulle part, là. On est en sécurité, là, ou on est... Par du principe que je lui dis ça quand on est en sécurité un peu plus loin. Vous êtes dans la voiture de Anton, toi t'es à moto, vous avez des comme radio, vous discutez. Les gars, c'est pas la mission, hein. Si de mon temps on avait regardé les preuves qu'on livre avant de les livrer, j'aurais pas fait du zoo dans le métier. Quand tu faisais partie d'une agence, je dis pas, mais maintenant on est un peu freelance. Hein. Il y a une histoire pas clean derrière. Si c'était une histoire clean, on serait pas là, les gars. Tibor nous avait donné rendez-vous dans un bar, avec plein de gens autour. Là, le point qui nous est donné pour remettre la mallette, c'est un parc. Dans les hauteurs de Budapest, au milieu de nulle part, il y a un petit endroit de jeu pour les enfants. Il va sûrement nous donner rendez-vous à une heure où il n'y aura pas d'enfants. Père Claude, tu pourrais partir un peu en avant, repérer les lieux avant qu'on envoie les coordonnées pour trouver un point typiquement sur lequel tu pourrais avoir des snipers. Carrément, c'est ce que j'allais vous proposer, tout à fait. De toute façon, même sans que ce soit louche ou quoi que ce soit, évidemment qu'il faut faire ça. Tu vas jamais sur un lieu de rendez-vous comme ça, les mains dans les poches. Mais donc, je ne touche pas à cet ordinateur? Pas pour moi, non. Je te le déconseille. Tu prendras la décision, Robin. Ils peuvent te dire non, tu peux quand même me dire que tu regardes. Ma décision, j'ai déjà prise. Là, je suis en train d'essayer d'avoir leur aval. Sinon, je le ferai dans leur dos. Oui, j'ai bien compris. Avant qu'on parte en voiture, comme j'ai appris que t'avais perdu un de tes téléphones, étant donné que moi, j'en ai plusieurs, je t'enfile. J'en ai sûrement plusieurs aussi, mais c'est gentil. D'abord, moi, je suis dans le mien, mais c'est un 3310, donc du coup, tu me le redonnes. C'est que c'est pas mon smartphone où j'ai fait toute mon installation perso avec mon propre OS. Pas grave, je vais me contenter de ça pour le moment. Merde, c'est-à-dire que c'est pas ces films où tu peux craquer n'importe quoi avec juste un téléphone sans outil installé dessus. C'est ça. Ça a dû beaucoup, l'angle de recherche, là. Mais j'ai un PC portable, ça ira. C'est un univers réaliste, merde. C'est hyper réaliste à trouver, peut-être. Bah non, il y a pas beaucoup de films d'espionnage, enfin un truc où il faut un outil pour hacker. D'habitude, juste tu mets devant un PC, puis c'est bon, ça marche. Pire, des fois, tu poses un truc sur l'écran. Faut bien justifier des GD. Je me rappelle, c'est quoi? Oui, c'est Opération Espadon, avec la première scène de hack. Avec Jackman. Pas Travolta dedans, c'est? Si. Tu joues méchant, je crois. Il y a un mec qui hack sans outil avec une fellation. C'est n'importe quoi. Avec une fellation? Oui. D'accord. Mais pour le tester, ils font une fellation et en même temps ils disent qu'il y a un truc. N'importe quoi. Franchement, moi je trouve pas ça pire que les gens qui te mettent un truc autocollant en haut à droite d'un écran pour hacker un système, quoi. Je veux dire, vraiment, l'écran, ça part pas dans l'autre sens, hein. C'est juste une sortie, quoi. Ça marchait sur les écrans CRT, c'est pour ça. Ça marche plus aujourd'hui. Mon cher Père Claude, tu fais un repérage, tu m'as dit? Ouais, donc l'idée, c'est d'aller sur place, de repérer effectivement les endroits propices à des embuscades, soit pour des snipers, soit des embuscades. Et puis bah après, de dire que c'est clean, bon, de toute façon, je pense qu'il y aura personne, mais c'est au moins de repérer, de lancer l'appel pour dire c'est bon, on a ce qu'il faut, et de voir s'il y a des gens qui arrivent avec de mauvaises intentions. Fais-moi un jet de sens, plus agent. Oui, je préfère. On va regarder le 5. Tu vois le futur lieu de rendez-vous, c'est Normafa. Normafa, c'est une colline dans les hauteurs de Budapest. Et il y a une tour, une sorte de temple qui fait une cinquantaine de mètres de haut, qui servait sûrement aux éclaireurs, qui prévenaient l'arrivée des armées sur Budapest. Mm-hmm. C'est aussi un petit parc, effectivement. Il y a des jeux pour enfants, des petits chemins, et même des boutiques qui sont fermées à l'heure à laquelle tu y vas. Et c'est une tour qui peut se visiter. Et tu te dis que tout en haut de la tour, ça ferait un bon poste pour sniper. Tu vas y faire un tour, en plus tu es monté en l'air, donc tu peux même y rentrer en escalade. Ouais, par contre, je suis en train de me dire que de nuit, les gars, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, quoi. Il faudrait peut-être mieux qu'il y ait du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaut mieux qu'on fasse ça de nuit, tranquille, et il y a des mecs qui arrivent avec des lunettes infrarouges, ils vont nous désinguer. Ou de jour, on va pas les repérer parmi la foule, je sais pas. En fait, c'est pas nous qui allons choisir, je pense. Lui qui vous donnera l'heure de rendez-vous. S'il y a un tracker dans la valise, on va peut-être pas survivre toute la nuit, quoi. Le général, ils vont mettre la main dessus. Ah, il y a peut-être intérêt à se balader, ouais. Je serais pour qu'on appelle, qu'ils nous disent à quelle heure ils veulent voir. Et encore une fois, je vous dis, quelques temps avant, au cas où il y aurait effectivement des systèmes trackers, je pense que ça vaudrait le coup que j'y jette un coup d'œil quand même. Mais pourquoi faire? Quel est l'intérêt de s'intéresser à la mission? S'ils se retournent contre nous, on est un peu de levier, quoi. T'es jeune dans le métier, quel que soit ce qu'il y a dedans, ils peuvent se retourner contre nous. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Bah, si j'ai un système qui fait une copie en cas de problème. Ouais, et puis s'ils apprennent que t'as fouillé dedans, par contre, c'est là que cette mort est assurée. Non, parce que je peux mettre un système qui en fait une copie que en cas de problème. Je suis assez doué pour pas qu'ils le sachent. Y a personne de meilleur que moi. Moi, j'y comprends rien tout ça, mais je suis pas pour. Ok, donc déjà, est-ce que vous voulez passer le coup de fil pour prendre le rendez-vous? Je pense que ça vaut le coup, comme ça, autant en finir le plus vite possible, non? Qui c'est qui appelle? Jerry. La légende, quoi. Vas-y, Jerry. T'entends que quelqu'un décroche, mais il y a pas de voix qui sort. Je donne le code d'identification. Reçu. On a le colis. Parfait. On se rejoint quand? Minuit aux coordonnées indiquées. Faire durer un peu l'appel que je dis minuit et demi en regardant les autres d'un air interrogatif, voir si ça va à tout le monde. Ça nous laisse le temps de nous préparer, quoi. On a 2h30 devant nous, quoi. Vous me faites un signe pour acquiescer? Ouais, ouais. Ça va? Ok pour nous, on sera là. Ok, à tout de suite. Je raccroche. Bon, par curiosité, mais parce que j'ai un tout petit peu de respect pour mes collègues et parce que je sais pas qu'ils ont tué n'importe qui, n'importe où dans la chambre pour l'instant, mais j'ouvre quand même la mallette juste pour regarder. C'est un ordinateur. Je l'allume pas, mais juste pour regarder à quoi ça ressemble. C'est un ordinateur sur une sorte de gros bloc batterie, fait aussi la taille de l'ordinateur en dessous. Et il y a des systèmes de sécurité très très compliqués dessus. Ok. Ce sera pas facile de le hacker, mais tu peux essayer. Bon, en 2 heures, ça va être short. Bon, tant pis. Je garde la mallette sur moi. Ouais, qu'est-ce qui fait l'échange? Moi? Vraiment? Il va vouloir nous voir ensemble, non? Parce qu'il est censé nous filer des thunes en plus. En plus. Après, si vous donnez toutes vos coordonnées, ils vont faire des transferts comme la fois précédente, j'imagine. Je sais pas, c'était pas du cash, hein? Il va parler du cash. Ouais, on a 50 000 en cash quand même à récupérer. Hein. Chacun. Je les prends pour vous, y a pas de soucis, je vous les rends après. Hein. Pas de soucis pour moi. De toute façon, il va falloir qu'il y en a un qui se cale dans la tour. Bah, c'est pour ça. Ah, le problème, c'est que dans la tour, hein, c'est bien joli, mais aucun de nous n'a des armes longue portée, même pas des moyennes portées comme des fusils d'assaut, donc. On a 2 heures pour contacter l'autre, là. Est-ce que contre 4 points, je peux avoir une arme longue portée dans ma voiture? Ok. 4 points, il est prêt à payer. Ah, bah oui, il a raison. Et bah, moi aussi, alors, je paye 4 points pour retrouver un contact à Budapest et pour récupérer rapidement une fusil d'assaut. Autre point de détail, je désactive le micro pour être sûr que ça puisse pas remonter jusqu'à nous, au cas où il finirait par le trouver. D'accord. Si vous dépensez vos points d'énergie, vous avez ce que vous voulez. Hein. Je prends un fusil sniper et toi, tu prends un fusil d'assaut, c'est ça? Ça. Ok. Mitrailleuse, ça fait D10 de dégâts. D10? Ouais. Le sniper, ça fait D8 plus 1. Mmh. Au combat, tu peux dépenser une action pour viser. Un viseur, ça te permet de pas la dépenser. Vu que j'ai les lunettes de vision nocturne plus le fusil, je peux monter en vigie pour faire du repérage. Voir un peu tout ce qu'il y a comme mouvement. C'est mieux qu'on fasse comme ça et moi, je peux être plus polyvalent pour faire face à une menace actuelle. Ok. Ok. Et du coup, c'est moi et Jerry qui remettons la mallette? Ouais, avec moi en soutien aussi, mais plus proche du coup. Après, ça dépendra d'où ils vont nous donner le go. Vous allez au rendez-vous du coup à minuit? Ouais. Toi, tu viens un petit peu avant, Anton, pour te placer dans la tour? Ah bah oui, moi aussi. Hein. Toi aussi, tu te mets Vous mettez pas au même endroit? Le rendez-vous, il est où? Il est proche de la tour? Si on suit les coordonnées GPS, c'est juste à côté. Ouais. On va dire que c'est au pied de la tour, sur un petit chemin de pierre. Moi, je vais mettre sur le premier étage de la tour alors. Et nous, on se met sur un banc. Ça permet de faire tampon éventuellement s'il y a des mecs qui montent pour choper Anton. Et puis, ça me permettra d'être quand même plus proche pour réagir si jamais Robin et Jerry se font agresser. Mon plan, c'est j'ai ma veste et en cas de problème, je saute. Hein. Ça doit être en pente douce. C'est en pente douce. Et bah, je saute et je roule. Après, peut-être en bas, il y a des arbres, mais bon. C'est toujours mieux que les balles. Vous vous installez dans les tours, vous prenez position. Et à minuit pile, vous voyez un homme en manteau noir, les cheveux longs, bruns. Je sens le piège. Il est accompagné de 4 personnes, dont les visages très sombre, ils sont en costard-cravate, mais ils n'ont pas l'air en super forme, ils se tiennent pas droit. Oula. Face à vous, vous avez Dominique Battiani. Bonsoir, je vois que vous ramenez ma mallette. Donc face à toi, pour te préciser, tu as Jerry, donc c'est un vieux monsieur de 67 ans, agent secret, la légende, et à côté de lui, tu as une femme asiatique qui s'appelle Robin. Jerry qui a l'œil charmeur qui frise, mais qui sent le paix froid. Qu'est-ce qu'il est sale. Vu la dégaine des gens que j'ai en face de moi, je donne la mallette à Jerry pour qu'il la donne. Je fais un pas en direction de Dominique. On a la mallette, tu as l'argent? Bien sûr, tout s'est passé sans accroc. Je lui montre la mallette sans l'ouvrir, sans lui donner. C'est un flycase. Les 4 accompagnants, là, ils semblent armés, ils semblent aux aguets. C'est quoi leur comportement, là, au-delà d'être un peu chancelant? C'est comme si c'était des chiens. Ils ont pas d'armes. Des chiens, genre, vraiment bêtement, des hommes-chiens de stature humanoïde ou... Non, non, c'est des humains, légèrement courbés, mais ils ont l'air d'obéir au doigt et à l'œil. Oui, voilà, ça, ils sont un peu amorphes. Un peu amorphes. Du coup, bah, je lui demande de nous montrer l'argent. Je fais un signe derrière. Je suppose qu'un de mes gardes du corps montre une mallette aussi. Bien, vous permettez que je regarde la mallette ? Attention, les systèmes de sécurité sont costauds. On n'a pas essayé de la démarrer. C'est-à-dire, vous avez essayé de l'ouvrir ? On a essayé de l'ouvrir, mais pas de la démarrer. On voulait vérifier que l'ordinateur qu'on cherchait était bien dans la mallette. On veut vérifier qu'il n'y ait pas de mouchard à l'intérieur et qu'on ne soit pas suivi jusqu'ici. Pour votre sécurité, Dominique. Oui, vous saviez que ce n'était pas dans le deal. Vous deviez livrer la mallette sans l'ouvrir. Ce n'était pas précisé. Non. Nous avions dans le deal une photo de l'ordinateur qui était contenue dans la mallette. Mais peut-être que Tibor a mal fait son travail. Baltringue. Ah bah, complètement. Tibor, tu vois très bien qui c'est. Dominique, c'est la personne que tu as tuée ce matin. Ah oui, d'accord. On l'appelait Super Tibor. Le numéro 1. C'était la personne qui a donné la mission à nos quatre agents. Bien. Anton, je pense que c'est le bon moment pour qu'on se casse, sans rien dire aux autres. Posez la mallette, venez chercher la vôtre, je vais regarder. Je tends la main dans sa direction pour avoir la mallette de cash en même temps que je tends l'autre mallette pour histoire de faire l'échange concomitant. Ça marche ? Mm-hmm. Ok. Bah du coup, je prends déjà la mallette... C'est un flycase assez lourd. D'accord, je regarde si l'ordinateur est bien dedans, si rien n'a été... L'ordinateur est bien dedans et à première vue, il n'a pas été piraté. Je tends la mallette de fric à Robin derrière pour qu'il ouvre et qu'il regarde le contenu. J'ai la main derrière le dos sur la crosse de mon flingue. Je fais gaffe quand même sur la mallette qu'il n'y ait pas quelque chose de caché dessus. Pas que j'ai pas confiance en les gens, mais... La mallette d'argent, tu veux dire ? Oui, voilà, je jette juste un coup d'œil qu'il n'y aurait pas un petit fil... Un poison, un explosif. Voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment de l'argent dans la mallette. Hein. D'accord. Moi, je suis en train de viser un des mecs, de ceux qui sont à droite, par exemple, et je dis à Anton que moi, je vise à droite et que lui, il vise à gauche. Okay. Ça tourne mal. Et du coup, vu qu'on a l'oreillette, nous, on a l'info aussi, quoi. Ce qui veut dire que s'il vise à droite, à gauche, c'est que moi, je sais que si je sors mon gun, c'est pour Dominique. Eh bien, écoutez, vous avez été plutôt efficace, étonnamment. Merci beaucoup de vous être donné la peine de me rapporter la mallette. Les deux autres sont... On n'a pu venir qu'à deux. Je dis à l'oreillette, hein. C'est pas des débutants, tu peux leur dire qu'on couvre la zone. C'est normal, quoi. Ouais. J'allais dire que vous étiez blessé dans le... T'as raison, vous étiez... Ils sortent pas de la cuisine à Jupiter, je pense que tu peux... Puis on est les meilleurs, on n'est pas blessés. La cuisine. Dire, bah écoute, ils sont là, tu les vois pas, mais eux, ils te voient. On s'éloigne, on a rendu la mallette, aller, ouais. Moi je dis the end, écran de fin, quoi. Je m'en vais gentiment. Par contre, comme je disais, vous n'étiez pas censé ouvrir la mallette. Ça n'a jamais été précisé sur la photo qu'on avait. La mallette était déjà ouverte, il n'y avait aucune surprise sur ce qu'il y avait dedans. C'était juste un ordinateur, nous voulions juste voir s'il n'y avait pas de tracker. Qui me paraît être la moindre des précautions élémentaires. Quand on te livre la manette, on remplit le taf. Après, la manière dont on le fait, ça nous regarde. Et si on estime qu'il fallait l'ouvrir pour faire ça en toute sécurité, on l'a fait, et point barre. Mmh. Je pense qu'on peut y aller. Après, si on veut pas de ta mallette, moi je te rends ta mallette de fric et on trouvera bien quelqu'un d'autre à qui la vendre. Certainement plus cher. Je fais quelques pas en arrière personnellement à cette dernière phrase. T'as ta mallette, on a notre pognon donc. Ouais, ouais. Et ben au plaisir pour une prochaine mission. Ah, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. S'il esquisse le moindre mouvement, type hostile, ça part. Ah oui, bien sûr. Tu tires avec ton sniper sur Dominique. Tant qu'il fait rien d'hostile, c'est purement de la négociation pour l'instant, avec de l'intimidation. Vous assistez à ça du haut de la tour. Comment ça va pas se passer comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Reculez les gars, partez. Hein. Vous avez rompu l'accord. Moi, je voulais une mallette qui était fermée, où vous n'aviez pas à mettre vos sales petits néfouinards dedans. Tu sais qu'il y a une hackeuse très compétente dans ce groupe en plus. Ouais. Je connaissais ce groupe à l'avance, c'est incroyable. Tu proposes quoi ? On prend une partie de l'argent, on profite de 10 000 chacun pour le désagrément. Excuse-nous, on a ouvert la mallette. Mais le colonel lui-même avait ouvert la mallette dans sa chambre. Je me gratouille le menton un petit peu et tout d'un coup, je claque des doigts. J'ai une idée. Tu vises qui ? N'importe. Bah Jerry, du coup. Oh, les baltringues, là, ça va. Alors, je vais lancer un D6 et Jerry, c'est père et Robin, c'est impair. Chut. Père, Jerry, tu prends un D10 de dégâts, 8 points de dégâts. Tu prends une balle qui sort de nulle part. Tu te touches à l'épaule, tu tombes au sol violemment. Tu es très très mal, ça faisait des années que tu n'avais pas pris de balle. Je pense qu'à ce moment-là, t'as deux détonations qui partent aussi. Même une rafale pour moi. Hein. Et une jeune femme qui court et qui roule. Je me jette dans la pente. Pas tout simple, donc toi tu te jettes dans la pente, en tant que jeune lâche. Avec l'argent, en plus c'est elle qui a l'air tout l'argent. Oui, c'est vrai. Avec Perclo qui lui gueule dans les oreillettes, ne lâche pas la mallette. Surtout. Perclo et Anton, vous visez qui exactement ? Donc moi j'avais dit que je tirais à droite, je balance une rafale sur un, voire les deux mecs à droite. Sur Valérie Pécresse du coup, si tu tires à droite. Si elle est par là, je te cache pas qu'elle risque de se prendre une balle ou deux, si possible. C'est sûr. Anton, tu tires sur qui ? On m'avait dit de viser un chien de garde alors. Tire sur le chien de garde, même si je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Faites-moi j'ai de sens plus militaire pour voir si vous vous touchez déjà. Anton, tu rates ton tir de sniper. C'est vrai que t'as peut-être pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Par contre, Perclo, t'as un 6, tu veux le relancer ? C'est fait. Ah oui, pardon. Il y a un 3 de plus, donc ça fait 9. Donc, tu peux lancer tes dégâts de ton fusil mitrailleur. Je tire une rafale à droite. M14 à 5. Tu couches un des gardes du corps direct. Dominique, tu vois tes chiens de garde qui viennent se faire coucher au sol. Mm-hmm. Un autre coup de feu, visiblement, il y a un autre sniper qui n'est pas avec toi. Moi, c'est des rafales courtes, hein. Je tire 3 balles. Ok. Il n'y a pas de notion de munitions dans ce jeu. Je demande aux trois restants d'achever les deux qui sont là et je regarde d'où viennent les balles. De tout en haut de la tour. Ok, tu as un sens surdéveloppé. Tu comprends tout de suite que ça vient du haut de la tour. On est à deux endroits différents d'ailleurs. Non, vous êtes à deux étages différents. Tout en haut de la tour. Oui. Ah, pardon. Tu dis à tes trois sbires de se jeter sur Jerry du coup, ou sur Robin et Jerry? Robin qui vient de se jeter dans la petite pente. Deux qui vont partir chercher la femme et un qui va rester achever ce qui reste du vieux. Aïe, aïe, aïe. Tu leur donnes l'ordre de tuer ou l'ordre de capturer? Bah, de tuer. La fin d'une légende. Il me reste deux points de vie, les gars. Je suis par terre, mais je suis encore là. J'avais la main sur la crosse, donc entre-temps, le flingue est sorti. Ok. Mais je suis allongé par terre, quoi. C'était bien le dernier que je pensais voir mourir, hein, Jerry. Jerry, il va falloir faire un jet de force plus militaire. Est-ce que je peux remettre ma perruque de danseur de samba, là, ça? Avant de mourir? Ouais, tu peux. T'as un des deux chiens qui se jette sur toi. T'as l'impression qu'il a envie de te mordre. Ok, je suis en mode baroud d'honneur. Joue à vampire, on joue pas à vampire. Oh putain de merde. C'est perdu. Je suis en mode baroud d'honneur, donc je peux dépenser combien d'énergie pour améliorer mes dés? Tu peux dépenser 2 points d'énergie pour faire plus 1 sur ton jet de dés, c'est tout. Tu peux pas dépenser 15 fois pour un. Ah oui, donc je peux pas en mettre 4 pour plus 2. Non, c'est pour chaque jet. Si on s'est cheaté, quoi. Plus 1 à ton résultat final. Voilà, j'ai plus 1 parce que j'ai que 2 dés 4, donc c'est nul à chier. Attention, voilà. Ah, t'as 4. Mais quand même 4, c'est une réussite. Je lance des. Est-ce que je lance ouvert? Et il te touche. Bah, du coup, moi aussi, j'ai tiré. Ah, c'est beau. La légende. C'était les gars. Il a mordu dans ma flasque de whisky. Il ne reste plus qu'un point de vie. T'es en train de te vider de ton sang sur le petit chemin de pierre. Pense à Suzanne. Et d'ailleurs, je veux pas dire, mais comme on visait, normalement, Anton, il avait touché tout à l'heure. Ah bon? Bah, il t'a dit que quand on visait, c'était plus 1. Ah oui, t'avais fait 3. Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Ah là là, Grégor, il va falloir que tu fasses mieux de ça, sinon on va voir ce que tu vas prendre. Il y en a un et demi, on va dire, parce qu'il y en a qui s'est pris une balle de notre ami Anton. Tu l'as touché, mais il est pas mort. Anton, je te dis, Jerry. Vise Jerry. Enfin, le mec de Jerry, quoi. Ma chère Robin, fais-moi un jet de agilité plus cascadeur pour voir si tu te fais pas trop mal dans cette chute. Alors, j'ai rien en cascadeur, du coup, je jette rien, juste agilité. Ouais. 2. Ouais, j'aurais dû penser à prendre des points d'énergie. Tu peux dépenser 3 pour relancer si tu les as. Ouais, mais bon, c'est un des 6, ça reste compliqué. C'est une chance sur 2. Non, mais je préfère me faire mal et garder mon énergie pour après. Là, c'était juste pour pas me faire mal ou c'était pour leur échapper? C'est pour pas te faire mal, ouais. Oh bah juste pour pas me faire mal, je laisse comme ça. Et en bas de la colline, tu vois les deux qui foncent vers toi. J'avais un plan aux petits oignons, c'est que j'avais prévu un de faire lancer mon téléphone qui fait du bruit d'un coup. Ah oui, bah voilà. Et bah juste je vais prendre mon flingue et puis je vais faire des coups de... C'est sens plus militaire pour tirer. Ouais, alors le but moi c'est déjà juste en fait de les tenir à distance, essayer de les semer quoi. Ok. Donc pareil, j'ai 0 en militaire, donc ce sera juste en... Ils ont pas l'air d'avoir peur. Tu touches à 1, tu peux lancer tes dégâts. Pas mal. 4. Ok, il y en a un que tu touches à la cuisse, qui est arrêté dans sa descente. Il y en a un autre qui va se jeter sur toi. Ok, pas mal, c'est pas mal. Dominique, toi tu n'as pas agi? Non. Qu'est-ce que tu fais, Dominique? Bah, je vais me mettre à courir très très vite vers la tour. Anton et Perclo, vous voyez Dominique, il est au pied de la tour, comme s'il s'était téléporté. Tu veux l'escalader comment cette tour? Tu prends les escaliers, tu sautes? Je respire un grand coup, puis je vais essayer de voir où ils sont. Et il se prend des rafales, hein, moi je tire dessus. Hein. Ça me permettra de mieux me localiser si je lui fous des balles dans la tronche. Vas-y, fais tes jets de tir. Je dépense 2 d'énergie pour un plus 1. Donc bah 6 du coup. Fais-moi un jet d'agilité plus cascadeur. Ah ouais, il peut esquiver les balles. Ah, il est fort, hein. Ouf. Ok, d'accord. Bon, bah, il est un peu plus fort que vous. Ça dépend des stats, il a un D10. Peut-être pas en informatique. Ouais. Moi aussi j'ai des 1 D10, hein. C'est pas le problème. C'est vrai, il esquive tes balles comme par magie. Par magie, c'est-à-dire on voit de la rapidité, il n'y a pas du bling bling avec des étincelles. Non, c'est de la rapidité surhumaine. Ouais, d'accord. Mais du coup, je grimpe par les escaliers. J'asmate celui qui est sur Jerry. Ok, fin jet de tir, ne te rate pas. Ça peut peut-être être le moment de dépenser aussi un petit plus 2 pour sauver Jerry. Non, mais c'est bien, c'est une femme miséricordieuse pour Jerry, il pourrait lui arriver bien pire. Tu peux relancer ton militaire si tu veux. Tu fais un, tu me tires dessus. Voilà. Réellement, entre nous, est-ce que ça vaut le coup de relancer? Non. Si tu fais une relance et que tu réussis, tu le tues instant. Ah, il est fort. Ah, le tentateur. Faut que tu fasses un 4. Oh, le fou, il est fort. Oh, il est fou. Alors, tu deux, sois aligné, tu les alignes les deux. Arrête, hein. On ne relance pas, on ne relance pas. Non, c'est bon. Au dernier moment, il s'apprêtait à tuer Jerry. Tu tires une balle dans la tête, il tombe raide mort. Jerry t'en profite pour constater qu'il a la peau très pâle, des dents noirâtres. Tu es en train d'agoniser sur le chemin. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Tu noteras, Jerry, que malgré ma lâcheté, j'ai quand même fait en sorte qu'il y ait moins de monde sur toi. C'est gentil, ça a commencé à me comprimer un peu la poitrine. Dominique, tu cours dans les escaliers. Au premier étage, tu as celui qui tient la pistolet mitrailleur et en haut de la tour, celui qui tient un sniper qui vient de tuer tes hommes de main. Lequel tu choisis? Le plus près, qui est encore près de la fenêtre, je le défenestre. Ok, c'est Perclo. Ah, attends, si tu me permets cette petite couleur, je vais quand même dire à l'oreillette, Robin, désolé, mais tu es toute seule, sauve-toi. Je lâche mon fusil, je roule un peu des mécaniques, je sors mon couteau et je me mets en position de combat. Dominique et Perclo, faites-moi tous les deux un jet de force plus militaire. Oh putain, jet de merde. Chier. Dominique fait un meilleur score que toi, tu défenestres. Non, je relance. Tu payes 3 pour relancer. Je paye 3, bien sûr, défenestre, rien du tout, il me défenestre. Tu fais 6. Oh. Ah, l'horreur. Tu relances pas militaire ? Non, je pense qu'une relance, tu relances un dé, non, j'en sais rien en fait. Tu relances tout ton jet, donc tu relances. Ah, je relance tout, pardon. Je relance militaire aussi, pas de problème. 5, c'était au cas où. 6 contre 6, ça lutte, tu te fais pas de fenestrer tout de suite, vous êtes en train de vous battre. Tu sens que Dominique est très très fort et que sur la durée, ça va pas tenir. Je souris. Je lui mets un coup de boule. Vise les dents. Dans son sourire. Vous êtes en train de vous battre, donc je vous redemanderai un jet de combat tout à l'heure. Ça marche. T'as plus qu'un point de vie, Jerry, qu'est-ce que tu fais ? Avant de passer à Robin. Est-ce que de là où je suis, je vois Robin ? Ou est-ce qu'elle est déjà trop loin ? Tu vois qu'il y a une silhouette en contrebas. Je sais qu'elle est là, mais tu la distingues pas vraiment. Là, pour l'instant, je mords un peu la langue. Et si on con, elle est où ? La mallette de l'ordinateur. Ah bah c'est Dominique, là. Il est encore dans les mains. Je sais pas, Dominique, quoi, tu l'as dans la main ? Oui, je pense. Ouais, oh, dans les mains, donc il a un malus pour se battre, quoi, ça ? Oui. Non, il est tellement fort qu'il n'y a pas de malus. Ouais, d'accord. Ouais. Un personnage de cheaté, j'ai l'impression. Le MJ, il a un PJ préféré, j'ai l'impression. Eh putain, je viens de voir, il y a un truc que je vais pas utiliser. Eh, c'est vrai que moi j'avais fuite, j'avais plus 2 pour test de fuite en situation dangereuse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, et moi c'est pareil, j'avais plus 2 à tous les tests de déguisement et d'intimidation. En fait, j'aurais pu tout réussir en tant que le cubain là. Ah putain, c'est pas vrai. Les mecs, c'est vos fiches de perdre. Du coup, je profite que Dominique soit occupé dans la tour et que Robin est suivi par ce qui reste. Du coup, je suis un peu tranquille tout seul là, donc je sors mon téléphone et j'essaie d'appeler un vieux contact à moi. Vous pouvez dire adieu. Pour avoir du backup. Ouais, le temps qu'ils arrivent, ça sera fini. Non, non, un pote de Budapest, j'y mets l'énergie qu'il faut. Mais hein. 4 points d'énergie. C'est pour faire quoi exactement ? Eh ben, j'appelle mon vieux pote Barracuda pour qu'il. Franchement, en fait, venir looping, c'est plus utile. Pas quoi que. Il débarque avec le van. Avec la cavalerie et la sulfateuse. Avec la hate team. Ouais, c'est chaud quand même. Lance-moi un descend et puis ce sera le nombre de minutes dans lequel il arrive. Putain. Ah, la violence. Oh, ok, je me sens bien. C'est réaliste. Un peu de pire. Attends de vider, les gars, mais sinon, c'est bien. Ok, donc dans 40 minutes, il y a des renforts qui arrivent. Parfait, ça devrait le faire. Superbe. Robin, tu es en bas face à un des gardes étranges. J'utiliserai bien un peu d'énergie. J'avais oublié de vous dire, mais j'ai bricolé un gadget qui désoriente. J'avais sur moi quelque chose pour brouiller les ondes. Le but, c'est d'émettre un bruit sourd qui désoriente. Je sais pas combien ça me coûte d'énergie, mais je vais utiliser ça. Prends d'énergie. Prends des points d'énergie pour mettre des trucs dans les oreilles aussi. Sinon, tu vas subir ton propre truc. Moi, j'ai d'esprit plus tech. Le fait que je réussisse un bon jet, ça pourrait me permettre de l'orienter un peu comme ça m'arrange. Mais... 9. Ouf, c'est un bon jet. Effectivement, tu déclenches ton brouilleur. Le garde du corps est un petit peu... Si elle est désorientée, après, je la finis à coup de flingue. Hein. Tu te prends du temps pour la fusiller, quoi. Ouais, c'est ça. Je mets un terme à ses souffrances. Ouais, ok. Anton, toi, t'as pas joué. Tu entends que ça se bat entre Dominique en dessous et... J'ai l'idée d'une action hyper stylée. Tu vas te croûter. Je suis un peu en hauteur par rapport à eux, donc ça serait de lâcher le sniper, de descendre de manière spectaculaire telle que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et de rentrer par la fenêtre qui avait déjà été à moitié cassée par les tirs du fusil d'assaut, flingue en avant et de potentiellement tirer sur la personne qui attaque Perclos. Ok, fais-moi un jet d'agilité plus cascadeur. Si tu réussis, tu auras l'occasion de tirer sur Dominique. Double 1 et tu auras ton empreinte à jamais au bas de la tour. Et tu relances ton cascadeur. C'est un mouvement compliqué, hein. 6, c'est limite. Tu me déjà relancer en fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas du tout orienté ce que je dis. C'est nouveau 6. Ok, tu arrives à faire ta cascade, mais je vais quand même te demander un jet de tir, du coup. Sens plus militaire. Alors, est-ce que du coup, tu tenterais pas plutôt sur de l'agilité ? Parce que là, j'ai été agile dans ce que j'ai fait. Ouais, ok, agilité plus militaire. Pour tirer en même temps. Non, tu vois, c'est vraiment le militaire. C'est vraiment ton D4. Hein. C'est les D4 où t'es meilleur. Il y a pas photo. La force du D4. Hein. Je demande l'avis du public. Est-ce que je relance le D4 ? Mais bien sûr que tu relances le D4. C'est all-in, hein, vas-y. Voilà. C'est un 3, ça fait 7, c'est bien. Tu tires sur Dominique. Tu mets combien de dégâts ? Je suis avec le bloc. J'ai 18 balles à chambrer. Ah bah 3 dégâts, je pense qu'il est mort, là. Il est clairement mort. Tu disais que c'était un PJ, donc potentiellement, face au tir, il pourrait esquiver, non ? Ouais, non, mais là, il était pris par surprise. Puis il a beaucoup de points de vie. Je suis encore à corps avec ton pote. Je pense que si t'avais raté, par contre, tu l'aurais tué. Pas touché, en tout cas. Pas 3 petits dégâts qui vont faire mal. Vous êtes encore à corps, Dominique et Perclos. C'est pas les 3 dégâts, c'est les 3 secondes d'inattention. C'est ça qui t'aurait tué. Vous allez me refaire un jet d'opposition de force militaire. En fait, il va y avoir un truc juste qui va se passer. Droit devant toi, je suis encore en train de sourire. Tu m'as mis un coup de boule pour la forme, etc. Et ouais. Là, tu vois ma mâchoire qui commence à se décrocher complètement et des énormes canines qui poussent. Et tu vois que mes muscles sont en train de doubler de volume. Très bien. On peut y aller. Voilà. C'est du bluff. C'est du bluff. Bluff, Martoni. Oh putain. Peut-être pas du bluff. Je relance, évidemment. J'en ai encore plein, je peux faire ça toute la nuit. Non, tu peux faire qu'une seule relance. Ça suffira pas. Putain, sans déconner, j'ai pas une chance de ouf là sur les jets de dés. Non. Bon, bah voilà, hein, c'est raté donc. C'est sur les rencontres qu'on n'a pas de chance, je crois. Décris-nous, mon cher Dominique, qu'est-ce que tu fais exactement ? Tu le mords ? Je l'accroche avec ma main pleine d'énormes griffes et dont les muscles ont doublé de volume. Même tes vêtements se déchirent un petit peu. Les veines sont devenues palpitantes. J'ai accroché sa chemise avant d'enfoncer les dents supérieures dans la gorge et les dents inférieures à l'entrée de la clavicule. Tellement la mâchoire s'est décrochée. Et là, je croque un grand coup. Lâche-moi, enfoiré ! Perclos, tu croyais que c'était que du folklore que dans les films, mais il y a un vampire devant toi. J'ai l'impression, oui. Et quand il te mord, ça fait des 20 de dégâts. Très bien, je t'en prie. Vas-y, Falcon. Est-ce qu'on est dans Blade ? 4, parfait. Oh ! On n'est pas dans Blade, non. Bien tenté. On est que 4. Putain, 4 sur 20. Je t'avais envoyé un MP. Ah, attends. Parce que moi, ça fait quelques temps que j'ai des doutes. Eh bien, notre cher Red a trouvé le jeu. Ouais. Bien. Bien joué. Je vous dirai à la fin. Je vous dirai à la fin, mais... Ah, vas-y, t'as le droit de gagner un bonus, je sais plus quoi, là. Je vais gagner 15 points de PV et je vais courir plus vite, s'il vous plaît. T'as un jetpack qui te pousse dans le dos, dis. Si tu trouves le jeu, tu peux augmenter un de tes attributs de tes talents de 1 cran. Petite forme, Dominique, par contre. Il a tout le temps devant lui. Non, en fait, c'est pour faire durer le plaisir, c'est pour jouer. Il joue avec sa proie. Il lui mordit la gorge, finalement. C'est ça. Après, il est peut-être tombé sur le... Sur le Kevlar. Il est peut-être tombé sur le Kevlar, c'est ça ? J'ai combien de protection avec le gilet pare-balles, là ? 3. Le gilet pare-balles, ça protège pas contre une morsure de vampire. Oh, attends, bon, vas-y. Il mord le Kevlar, ça fait pas du bien. Si ça arrête une balle de flingue, ça arrête une dent. Pas au niveau du cou. Ouais. C'est jusqu'à la moplate, c'est pour ça qu'il prend la moitié des dégâts, tu vois. En plus, la morsure du vampire te sonne un petit peu. Tu te sens un peu ailleurs. Face à toi, Dominique, il y a donc Anton. Qui va tenter de tirer. Je viens de voir Perclos se faire mordre à la gorge, il y a du sang qui coule. Mords-toi, Anton, mords-toi, laisse-moi. Je tente un truc, c'est que je repasse par la fenêtre en tirant. Non, tire, tu veux dire. Ouais, ouais, je veux pas. Et agilité militaire. 7. Ah, c'est terrible, c'est des militaires. T'as loupé ta vraie vocation. Hein. Tu peux faire tes dégâts avant de sauter par la fenêtre. Allez, pourvu que ce soit un 6. Hein. À chaque fois, il tire, c'est ça. Ah. Il tire, il tire, il fait 4. Ça fait 7 en tout. Il est foutu. Tu prends une balle, Dominique, qui fait un trou dans ton cuir, mais ça te fait pas grand-chose pour l'instant. Tu vois qu'il s'enfuit, tu as un agent à tes pieds. Perclo, comment tu réagis après cette morsure ? J'essaie de me redresser, je lui dis « Tu sais Dominique, j'ai pas d'argent. Ce que j'ai par contre, c'est des compétences qui vont faire de moi ton pire cauchemar. » Je me mets face à lui, je le taunte. Je veux laisser du temps à mes camarades, je sais que je suis foutu. Ma vie a été trop pleine de péchés. Ce que je peux faire, c'est faire gagner du temps à mes camarades. C'est pas mal. Anton, tu cours sur le chemin, tu vois Jerry couvert de sang. Il a l'air vivant. Presque vivant, ouais. Suis-moi, il y a la voiture garée pas très loin. Entend des coups de feu en bas, Robin vient d'abattre une des goules. L'idée, c'est de gagner la voiture et de tenter de la distance. Tu vous fuis, et toi aussi, Robin, tu fuis, du coup ? Dès que je me suis débarrassé du deuxième, je fuis, et le but, c'est même de très vite disparaître. D'accord. Et puis, t'as gardé l'argent, finalement. Bah, tout à fait. Je n'en pleure plus, je quitte cette ville. Dominique, face à Perclos, il reste plus que vous deux, du coup. Ouais, bah ouais. Il va falloir aiguiser un petit peu plus tes dents que ça, mon pote. Alors, juste combien de temps se sont écoulés ? Est-ce qu'on entend un hélicoptère et une suffleteuse qui s'approche ? Non. C'est exactement 7 minutes. Félicitations. Fais-moi tous les deux un jet de force militaire, du coup. Se jeter dessus, hein. Je vais en finir avec toi avant de m'attaquer à tes amis. 7. 7 pour Dominique. Mais c'est pas possible. 1 et 5. C'est parce que t'es groggy de la morsure, c'est normal. C'est roleplay, bravo. Quand on a l'éternité pour s'entraîner, forcément, on est un peu balèze. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe, il me remord ? Valkan, décris-nous comment tu termines le Perclos. Je me penche sur Perclos, je lui tire la tête en arrière et j'essaye de lui arracher la trachée avec les dents, quoi. Hein. Alors, quand il fait ça, j'ai un sourire. Et je prends une de mes pilules et je la mange. De tes pilules pour mourir ? Toutes les pilules, même si je peux. Toutes les pilules. Un cocktail cercueil, là, hop. Comme ça, il va me bouffer mon sang, et puis il va crever derrière. Empoisonné. J'ai pas de nombre de dégâts que peut faire ta pilule de suicide. Si je peux bouffer les 5, je bouffe les 5. L'idée, c'est pas que je survive. C'est mortel. De toute façon, on laisse le faire son dévin. Je pense que déjà, il va bien me massacrer. Donc... Vas-y, fais ton dévin, alors, Dominique. Ouf. Ouais, voilà. Donc il me finit, de toute façon. C'est fini. Tu vas prendre des dégâts de poison, mon cher Dominique. Ok. Ah, si ça peut au moins la ralentir. Je trouvais que c'était un joli move. Baroud d'honneur. C'est un très beau move. Prends un des 10 de dégâts. Je lance. Ouais. 9, tiens, pas mal. Ouais, j'avoue, ça commence à piquer un peu là. Je vois bien, tu sais, le sang qui me brûle toute la gueule avec la peau qui commence à fondre avec ton sang empoisonné là. Même si vous êtes loin et que vous avez fui, vous entendez un hurlement qui provient de la tour. Anton, Robin et Jerry, vous entendez les hurlements de Perclos. Il vit ses derniers instants dans cette tour. Quand vous fuyez, vous rejoignez la voiture et vous démarrez en trombe. Est-ce que, Dominique, tu as une dernière action à faire ? Tu les vois partir au loin avec la voiture ? Je sors mon téléphone portable. On voit la voiture qui part au lointain et moi qui suis en haut de la tour, qui a repris à peu près une apparence humaine, et on voit que j'ai encore la brûlure au niveau de la mâchoire suite au sang empoisonné et au dernier move de Perclos. Le téléphone décroche. Oui, mon fils. Dracula, ils ont la mallette avec l'argent. Vous pouvez les traquer. Et nous terminons là-dessus. Dame Ned. Robin, t'es dans la merde. Hein. Ouais. Ouah, dès que je l'ouvrirai, je verrai. Eh bah, ben cool, merci. Ben, merci à toi. Et aux autres aussi. Merci à vous. Bien, t'es toujours en vie, Dominique, c'est bien. C'est pas passé loin. Ah ouais ? Ah, je pensais que t'étais plus sac à PV que ça. Non, parce que j'avais dans l'idée que peut-être vous pouvez le buter quand même, et du coup, avoir des infos sur cette histoire de Dracula. Ah, c'est pas avec Delache qui se barre des premières balles tirées qu'on va faire quelque chose. J'en ai descendu 2, moi. Hein. Je sais pas pour vous, les gars. C'est vrai. 2 aussi. Bah voilà, bah les autres, ils ont rien fait. Hein. Jiri, il a pas eu de chance, il s'est fait défoncer dès le début. T'as pas descendu du tout, toi. T'en as blessé un et t'as... Si, le deuxième, il a buté. Bah, j'en ai tué un et l'autre, je l'ai... Le deuxième, tu l'as buté, mais le premier, tu l'as juste blessé. Oh, ok. Ouais, je l'ai peut-être un peu oublié. C'est pas grave. Il y avait mon sniper aussi que j'ai pas fait réagir non plus. Ah oui, c'est vrai, il aurait pu retirer ton sniper. Oui, mais c'était la même question que j'allais poser, du coup j'étais en train de me dire, mais attends, j'ai pas compris, c'était un des 4 mecs qui avait tiré sur Jiri en fait. Non, il y avait un sniper en plus. Ah ouais, j'ai cru que c'était une balle magique, moi. J'ai... Sur ce, du coup, Barracuda, il arrive en hélicoptère, il se fait bouffer. Parce qu'on était... Oh non, et pas un Barracuda vampire, là, ça craint. Il se prend le sniper parce que tout le piège était d'attirer Barracuda, justement. C'était là tout l'objet de la mission. Il arrive et il y a plus personne. Quel était donc ce jeu, alors? Eh bien, c'est un jeu qui s'appelle Knights Black Agent. C'est un jeu qui propose de faire de l'espionnage, mais les méchants, c'est des vampires. Et en vrai, quand j'ai vu l'image de Dominique que t'as montré un peu trop tôt... T'as trouvé? Ouais, je me suis dit, c'est sûr, c'est ça. J'ai attendu. Dès que t'as dit, c'est des chiens, j'ai dit, non, mais bon, là, c'est sûr. En fait, c'est un jeu que j'aime bien. Enfin, j'avais plusieurs fois lu un peu le synopsis et autres parce que ça correspondait à pas mal de choses que j'aime bien. Et j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Donc... Le système de jeu, c'est pas celui-là, du coup. Je crois qu'il était pas tout jeune comme jeu et que le système était pas forcément très simple. C'est Gumshoe. Ça permet de faire de l'enquête. Sauf que j'ai pas envie de faire d'enquête avec des agents de secret et des vampires, quoi. C'est ça. C'est un peu dommage. Ils ont sorti plusieurs jeux Gumshoe comme ça. Exoterroriste, qui était le premier jeu Gumshoe qui était sorti en français, où tu jouais une équipe d'intervention d'une section spéciale contre les terroristes ésotériques. Et avec un système Gumshoe, donc avec un système d'enquête. Et c'est vrai que le système d'action dans Gumshoe, il est pas terrible, quoi. Adapté, quoi. Là, honnêtement, moi, je connaissais pas Faces, c'est assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ça ressemble à Savage World, là, je trouve. Ouais, c'est exactement pareil. Si t'es trop généraliste, tu fais pas grand chose, quoi. À part relancer D4. D4, c'est puissant. Par contre, ce que j'aime bien là, il y a quand même un contre-coup au risque de relancer. Oui. T'as pas Savage World où c'est un pur bonus. C'est vrai. J'ai bien aimé le début de scénario, avec toutes les possibilités qu'on avait. Je kifferais rejouer le début de scénario juste pour jouer toutes les possibilités sur un Hitman. Tu vois, c'est ce que j'allais dire, tu trouves Hitman, quoi. C'est le propre des jeux à mission, c'est-à-dire t'as un truc et t'as 1000 façons de... Et puis vous avez fini en bourrin, finalement. Finalement, je suis déçu d'y être allé en bourrin. Ils attendaient une perche énorme. En tant que joueur, j'aurais pas fait comme ça, mais j'ai joué mon perso. Il attendait devant son ordinateur, je voulais pas ne pas le faire jouer ce soir. Ça m'arrangeait mieux que ça finisse en bourrin, finalement. Non, mais c'était très bien. Si Robin avait pu se retenir d'ouvrir la mallette, est-ce que tout serait bien passé? On aurait touché l'argent et au revoir. Non, c'était impossible. J'aurais trouvé une autre excuse. En fait, le général, il a trouvé des infos sur la conspiration, parce que dans ce jeu, tout est géré dans l'ombre par les vampires. Un peu le côté mascarade, pas que ça se sache. Exactement. Il a trouvé des infos sur cette conspiration. Je réfléchissais à comment te dire les choses, Red, si tu fouillais vraiment dans l'ordinateur. Ouais. Pour te dire que c'était une conspiration, mais pas te dire que c'était des vampires, parce que je voulais que vous appreniez. Moi, en plus, avec l'idée que j'avais en tête, j'avais vraiment envie de fouiller. Quoi. Mais bon, j'ai dit, bon, allez, ils veulent pas. Puis en plus, comme ça a été vite, finalement, en 2 heures, je me suis dit, en vrai, j'ai pas tant le temps que ça de me mettre à l'écart. Le hacker, c'est toujours compliqué dans les jeux d'espionnage, je trouve, à gérer un peu. C'est indispensable, mais en même temps, compliqué. Oh, bah, t'as fait plein de choses, je pense. C'était super. Ouais. Mais en fait, ça peut vite aussi casser des scénars. C'est un peu comme les pouvoirs de. Pas télépathie, mais où tu vois l'avenir ou des trucs comme ouais, ça. Les parce prémonitions. Que... Ouais, voilà, ça, ouais, c'est faut bien les gérer, c'est sûr. Parce que en vrai, là ça a été, j'ai déjà fait des jeux où le hacker prend tout en hacking, etc. Il se connecte à n'importe où, il a toutes les infos de tout. Ouais, mais bon, si je te fais ça, c'est pas drôle, quoi. Enfin... Non, mais tout à fait. Mais bon, là j'étais pas débutant, mais niveau 1, quoi. C'était bien, là je trouve le je sais bon... pas si j'ai trop fait lancer l'idée au final. Non, ça m'a bien collé. Non, le seul truc qui est dommage, c'est que en tant que vieux de la vieille du déguisement, à chaque fois que je me déguise, je me fais repérer. Parce que... Ouais, mais t'as oublié ton plus 2. Oui, mais parce que t'as oublié de prendre ton bonus aussi. Oui, j'avoue. Ouais, c'est vrai que c'était... En fait, t'as un déguisement à la James Bond, tu sais, t'arrives en costard et tu dis « My name is Bond, James Bond, ah, comment je me suis fait repérer, je ne comprends pas !» Je vous ai mis un peu plus fort, en plus les persos sont un poil plus forts que... Ouais, parce que je me disais, par rapport à ce que t'avais donné, t'avais rajouté un D4 quelque part... Exactement, ouais. C'est exactement ça. Non, c'était sympa. Ok, ouais, c'était sympa. Il y a possibilité de faire au moins une partie de plus. Perclou revient en vampire, quoi, du coup. Pourquoi pas, ouais. C'est lui l'ennemi, le prochain ennemi. Si vous voulez faire une sorte de suite, au moins une séance où là vous savez que vous affrontez des vampires, et puis il a attendu la perche Dracula. Il y a un scénario dans ce jeu, une campagne en fait même, qui s'appelle Dossier Dracula, où Dracula existe vraiment, mais c'est pas obligé. Et du coup, moi, fort de mes trucs geek et tout, je peux faire comme dans Underworld, faire des armes aux UV et des armes. C'est très Blade en plus, la mâchoire qui se décroche et tout. Bah, c'est pour ça que je pensais à ça, je pensais Blade 2 direct. C'était l'image que j'ai en tête aussi avec la mâchoire qui se décroche, c'est les vampires dans le comics American Vampire. Mais c'est vrai, ils sont comme ça aussi. Ouais. Et l'intervention de Vulcan, c'était rigolo, non? C'était plus Vulcan? Bah ouais. Sérieux. Et moi, quand j'ai entendu le ding, j'ai dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui vient nous écouter. Ah oui, non, c'est rien. À chaque fois, je me fais avoir. En plus, Riley, c'est pas la première fois qu'il fait, mais à chaque fois, je lui dis, ah tiens, un mec qui vient écouter. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'explique à ma femme pourquoi je reviens avec une chemise tachée de sang. Et... c'était drôle, ta femme, finalement. Un trou dans la peau. Ouais, c'est. Je voulais, quoi. Ça servirait à rien, mais c'était drôle. Puis le fait que tu dises, bah finalement, on est dans le même hôtel, j'y avais pas pensé, mais c'était tellement évident, en fait. C'est vrai que ça nous a facilité un peu la tâche, quand même. Bah ouais, ouais. Mais en même temps, je voulais que ça tienne en 2 heures. Parce qu'à un moment, j'ai cru que vous alliez jamais prendre la mallette ce soir, quoi. On essayait d'échafauder un plan parfait, qu'on était en mode mission impossible, tu vois, fallait que tout soit huilé. Et bah ouais, bien sûr. Ouais, moi, je crois que je serais plutôt parti là-dessus, hein, par défaut, s'ils n'avaient pas sauté. Ouais, et puis, il y avait plein de trucs au bain, parce que j'avais prévu qu'il couche avec son lieutenant, en fait, et tout, qui est toute une histoire de... Oh putain, génial. C'était son Robin, enfin, pas le même, mais enfin, vous voyez, quoi. C'était très cool de vous avoir rejoint juste pour la partie. C'est marrant de jouer à méchant. Mais t'avais écouté depuis le début ? Non, pas du tout. Il avait juste une feuille de briefing. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de Blind Test. Désolé, on n'a malheureusement pas enregistré la fin du débriefing. Mais en tout cas, c'est un jeu qui nous a beaucoup plu. Donc, je vous le rappelle, c'est Knights Black Agent, un jeu de Kenneth Haidt qui est sorti en France aux éditions du 7ème Cercle. Donc, si vous aimez l'espionnage et le fantastique, jetez-vous dessus. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur les différentes plateformes de podcast. Et on se retrouve à la rentrée pour des nouveaux épisodes de la JDR Academy. Salut !